en direct d'Arcade Montréal. Vous écoutez l'épisode 50 de la soirée du podcast Faites du bruit Montréal! Oh yeah! Yeah! C'est malade, on dirait qu'il y a plein de monde. C'est fou, yeah. Yeah. L'épisode 50 qui est également l'épisode 3 de la saison 2016-2017 et l'alignement de départ pour le podcast de ce soir. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Le numéro 24, Marc Vero. Le numéro 98, Alex Galipeau. Yeah. Le numéro 31, JF Mallette. Et votre animateur, le numéro 75, JF Cromp. Yeah. Yeah. Et on aura trois invités qui vont se joindre à nous pour le podcast. D'ailleurs, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un podcast de discussion ouverte sur le Canadien de Montréal et la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle, bien sûr, avec passion et boisson, des sujets chauds couverts par des gars chauds. Yeah. Et ça tombe bien parce qu'on est dans la meilleure place à Montréal pour se mettre chaud, Arcade Montréal. Des assis bondrés. Se mettre chaud puis gamer, là. C'est des vieilles arcades. Le meilleur des mondes. Le meilleur de tous les mondes. Alors, pour vous expliquer un peu le déroulement du podcast, on va aller faire l'avant-match. JF, juste avant de commencer, j'aimerais dire qu'on boit présentement un petit Probert, un drink spécial fait par Arcade Montréal pour le live à soir, pis c'est bon en tabarnak! C'est disponible seulement ce soir. Alex, décris-nous qu'est-ce qu'il y a dans le Probert. Ah, mais faut que tu le prennes avec le petit rime de pourde! Est-ce que j'ai pu comprendre? Il y a de la cocaïne, du gin, la tequila, non, le vodka, tequila, 7-Up. En fait, c'est pour rappeler à l'honneur de Bob Probert, le sang sur la glace, puis la coke sur le bord du verre. Le sang, je sais pas c'est quoi. C'est un bitter, fait que c'est disponible pour vous toute la soirée. Mais ça, j'ai estivé, en tout cas, non, ça se mange. Fait que, allez ça, au bar. C'est le genre de drink que t'en bois une coupe, full, là, c'est fini comme Probert, mais t'es mort, man. Commandez-vous des Probert, c'est disponible seulement ce soir. Fait que, dans le fond, le podcast de ce soir, ce sera 20 minutes par période, trois périodes, alors trois invités, trois concepts différents. Alors, je propose qu'on commence tout de suite avec la première période. Donc, notre premier invité nous vient du podcast Le Geek Collectif, le numéro 89, Guillaume Hamel. Yeah! Yeah! C'est bon. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Ça va marcher pour Bob, ça va marcher pour Bob. On va avoir les mains collantes, là, mon gars. Esti. Fait Guillaume, avant de commencer la période officiellement, qui es-tu et quel est ton podcast? Que fais-tu? Qui es-tu? On va commencer par le plus important. Mon podcast, c'est le Geek Collectif. Un podcast de culture populaire. Cheap plug. Ben, j'aime ça qu'il dit que c'est ça le plus important. C'est quand même ça, vous qui me ça l'avez passe demandé. Par mais non, c'est correct. Mais donc, c'est ça. On enregistre ça toutes les deux semaines, les mardis, et c'est disponible en différé par la suite. Cool. Ça, de tout. Justement, hier, on a enregistré, on parlait des suites dans les jeux vidéo et dans les films. Cool. Fait que finalement, ils t'ont garoché, là, genre, show notice. En fait, Éric Hébert, qui est aussi DJ ici les jeudis soirs, a été pris en otage par sa job et complètement enchaîné. Il nous a envoyé une photo, il y a la chaîne. Il est dans un donjon, genre. Ouais, la peau à pustule, il y a du rouge partout. La peau à pustule. Je pense qu'il y a une pomme dans la bouche aussi. Et il m'a appelé en renfort, dire « Peux-tu me dépanner? » J'ai dit « On a swappé deux membres du Geek Collectif, en fait, pour ce soir. Nous ne sommes qu'un. Ben voilà. Nous vaincrons. C'est le même gars. Nice. Fait que la première période, ça va être une discussion ouverte sur le Canadien et la saison 2016-2017 qui commence la semaine prochaine. Alors, commençons la période de suite. Fait que vas-y, c'est d'autres autos et let's go. Allô, oh, le micro est à off. Ouais, faut que tu payes, c'est 10 pitons. Fait Guillaume, as-tu quelque chose qui t'intéresse à parler pour commencer le show? As-tu peur de quelque chose cette année ou as-tu quelque chose qui t'excite du Canadien cette année? Moi, j'ai toujours peur de Michel Therrien. Ah, ouais. Really? Hein? Oh, you're one of those. Et ça part fort! Qu'est-ce que tu veux dire, t'as peur de Michel Therrien? Un Therrien hater. Qu'est-ce que tu veux dire, t'as peur de Michel Therrien? Parce qu'on sait jamais à quoi ça tombe. Simplement. C'est capable du meilleur comme du pire. Mais voyons donc, tu sais à quoi t'attends avec Therrien? Tu sais que c'est un coach défensif. Aussi. Ben on sait tout à quoi s'attendre. On mais sait quoi s'attendre. Le Canadien, en de général, a le don de scraper des fois des beaux potentiels. Ah. C'est qu'on espère que ça ne sera pas le cas cette année. On c'est toujours de la faute des coachs ou de la direction. Non, un joueur atteint pas son potentiel. Ouais, mais Alex, on t'écoute de même, c'est jamais la faute des coachs et la direction. Okay, je dis pas tout le temps. Mais je dis oui, des fois ça se peut, mais c'est pas tout le temps. Non, c'est Alex, c'est le plus grand défenseur de Michel Therrien. Pas lui, c'est fucking right. Ça, c'est vrai, par un point, c'est pas toujours la faute du coach. Mais l'affaire, moi, qui me fait encore plus peur que Michel Therrien, c'est le département des communications du Canadien de Montréal. Oh. Le PR. Ah, ça, c'est Donald Beauchamp, ça. Donald Beauchamp. Attends, Desharnais est allé à V, à Salvaire, je sais pas quoi, là. Ben oui, mais il a fait du beau gros Chris de PR, là. Il a fait des blagues, en plus, tout. Il a ri. Il y avait des lunettes, puis il y avait des bretelles. Il était sharp à l'os. Des bretelles en tabarnak à TV. Il y avait vraiment des bretelles. Ah, ouais, des bretelles grises. Ça devait être. Non, Chris, on s'en calisse de la couleur. Lui, Mallette, il va reconnaître ça tout de suite. C'est des bretelles. Ah bon, on voulait la carte de mode. Non, mais je prends des accords avec toi, par exemple, pour Michel Therrien, par exemple. Cette année, là, sérieusement, ça va être son année. Moi, je me dis. J'ai fait une prédiction audacieuse que Michel Therrien pensait pas les fêtes. Les fêtes, ça dépend du team. Non. Ça dépend du team, c'est vrai. Ça dépend, ben, ça dépend de ce qui se passe. On ne sait pas, mais dans ma vision à moi, c'est comme il n'y aura pas tant de chance que ça. Cette année, là, c'est comme le torchon brûle déjà. Ouais, Bart, si le Canadien finit avec 100 points. Selon moi. Selon toi. Le problème aussi, c'est un coach va toujours être sauvé par son gardien. On l'a vu l'année passée. Carey Price est en forme en ce moment. On touche pas. L'année passée, il n'a pas été sauvé par son goaler. Il n'a pas été là à partir du mois de novembre. L'année passée, il n'a pas été sauvé. Pourquoi il n'a pas été mis dehors? Pourquoi il n'a pas été mis dehors? Parce qu'il n'a pas son goaler. OK, fait que c'est l'excuse qu'on a utilisée. Non, mais c'est l'excuse que tout le monde dans l'industrie donne. Mais là, si le goaler. Je vais te donner celle-là. Si la défense et le goaler sont ce qui sauve ton équipe et ton coach, est-ce que Weber peut sauver la job à Therrien cette année? C'est une question que je vous pose comme ça et à vous. C'est quoi ta question? Price Chris, écoute, tabarnak. Ouais, je parlais avec Mart, là. OK, ouais, mais c'est justement, on en parlait pour vous assurer ensemble. Arrêtez pas là. Il y a de la distance. Il y a ben trop de sucre là-dessus. Est-ce que Price et Weber, on va mettre Price dans l'équation. Ouais. Est-ce que Price et Weber peuvent sauver la saison de Michel Therrien? Faut pas qu'il se fasse mettre dehors. Sauver sa job. Non. Une question d'équipe. Therrien va se mettre dehors parce qu'il a dit que Pacioretty, c'est le pire capitaine de l'histoire. Ah, voilà. Mais moi, je pense pas que Bergevin va mettre Michel Therrien dehors. D'ailleurs, j'ai des commentaires sur Pacioretty. C'est une équipe qui est molle. Pacioretty, c'est mou comme de la merde. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord, moi. C'est vrai. C'est qui le sait? Mais c'est vrai qu'il est mou comme qu'on a vu au World Cup. Hey, sérieusement, là. C'est des matchs en cours. Ok, je suis mal placé pour dire ça, mais Patio, man, coupe-toi les cheveux, calice. C'est quoi cette mode de marde, là, que ça a tête, man? Ben, là, c'est une coupe à la voix moelleux, man. Puis toi, c'est quoi la mode de ça? Ben, je sais, ouais, mais c'est pas pareil, moi, aussi. Shots fired. Non, mais l'autre, il est pas pareil. Moi, c'est George Parros, man, aussi, c'est pas pareil. Nothing, buddy. C'est George Parros, man, c'est pas pareil. Ok. Non, mais si je peux vous rassurer, là, en parlant de potentiel pour les jeunes, là, je vous le dis tout de suite, Sergachev fait le team cette année, hein? Oh, moi, je pense. Alex! Moi, je pense que Sergachev, il va peut-être commencer. On va lui donner du si game. Si je peux te rassurer, en parlant de potentiel, Sergachev fait le team. Ouais, mais en ce moment, il fait le team parce qu'il y a deux blessés. Fait que là, le GF, tu me rassures. Ouais, mais le monde qui chiale, c'était ben rien. Non, mais parce qu'on dit jamais qu'on donne des chances aux jeunes avec Sergachev, on va lui donner sa chance. Ouais, puis vous chiolez tout le temps que la direction n'a pas sa chance. Là, il a sa chance. Moi, j'ai toujours été pour les jeunes. J'ai toujours été pour les jeunes. Si il fuck up, le petit jeune, là, c'est la faute à qui? Là, on va commencer à dire, ah, ben, il y a juste donné 12 minutes de jeu, pourquoi pas 15. Alex, question générale. Selon toi, Sergachev, il est-tu prêt ou il est pas prêt? On veut le savoir. Sergachev, il est pas prêt. C'est toi qui tranches toujours ça. Il est pas prêt, mais il peut apprendre en tabarnak. Il dit qu'il est pas prêt. Il est là l'année prochaine. Sergachev, il est là l'année prochaine. Il est prêt pour 10 games, mais il est pas prêt pour une saison. Moi, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il va commencer la saison, mais il va finir. Il est prêt pour 10 games, mais il est pas prêt pour la saison. Non. Check bien ça, Alex. Ça y prend la Ligue américaine. T'as vu comment il peut pas aller dans la Ligue américaine. T'as vu comment il s'est fait frapper par Ace? T'as vu comment il s'est fait frapper par Ace? Oublie ça, man. Fuck, un risque! Mark, Sergachev from hell! Okay, absolument! Sergachev peut pas aller par la Ligue américaine. Il apprend, man! Il a pas le droit à la Ligue américaine, il tourne automatiquement au junior. Faut qu'il apprenne avec les top guys, man! Tu peux pas, il est trop jeune! En bas de 23, faut que tu absolument sur le junior! Non, mais il est trop jeune! Parce que tu casses pas une année de contrat! C'est la Ligue nationale ou le junior rendu à cet âge-là! Tu peux pas aller dans la Ligue américaine! Je suis peut-être pas d'accord sur sa vision de la Ligue. Non, c'est le règlement! Mais il a raison là-dessus! Ouais, mais si regarde Chubb, sérieusement, il manque encore d'expérience avec les gros gars comme la Ligue américaine, je trouve. Mais c'est là qu'il prend l'expérience. Un an. Un an. Tu vas brûler un an, non. Guys, demain, il joue avec Markov. T'aimes-tu mieux avoir Sergachev à défense ou Yemlin? Yemlin, à part plaqué, il fait fuck off. Ah, mais Yemlin, t'es poigné avec. Moi, je vais dire. T'es poigné avec. Tu vas faire benché. Fait que non, tu vas bencher. Ben oui, Chris, je vais voir des gars. Tu vas bencher un gars de 4,5 millions. Toi, tu t'en connais. On a benché Gomez à 7 millions. On est bien capable de bencher Yemlin. T'as l'air d'un esti de beau DG de broche à foin quand tu benches un gars de 4,5. Ouais, ben c'est sûr, parce que c'est lui qui l'a signé. Là, il va se faire mettre dehors. Ben non, parce que son team a performé sa glace. Hey, le gros. Tu dis d'un jeune que tu connais, mais. Non, mais en même temps, non, mais en même temps, tu vois ça. Hey, Malette, je vais payer un autre Probert, man. Tu vas changer d'idée. Les garçons! Oui, quoi? Question de fiabilité, constance, Les garçons! Les garçons! Oui! En même temps, là, qui c'est qu'on a en défense, là? C'est quoi nos duos, là? Ben, Beaulieu joue avec Weber demain. Beaulieu va jouer avec Weber. Ça, c'est ma première paire. Ça ressemble à la première paire de défense. Après, c'est Markov qui est sa deuxième paire. Avec Petri. Ben, Markov va jouer avec... Petri, Jacques, TP Markov. Je sais pas, man. Petri, peut-être. Ouais, c'est Petri, selon le line-up qu'on a vu à matin. Petri, ouais, Mélène, genre avec... Patterin. Ben non, t'es fou, toi. Ça serait un duel. Hey, ça va grainer Ça va ramasser, mais Chris, ça va avoir de la misère à virer. Hey, Patrick, moi, je l'aime, honnêtement. Attendez une minute. Patrick, oui, mais... Redmond va faire l'équipe. Oui, ben oui, c'est sûr. Redmond va faire l'équipe. Hey, c'est pas dit encore, man, mais c'est sûr qu'à Mario, il va laisser son corps balade. Là, vous allez parler une à la fois, Sty. On est pas capables, Sty. On est émotifs, quoi. Gratuit, man. Ben, JF a soulevé quelque chose, a parlé de Gomez. Aujourd'hui, Gomez est devenu analyste pour NHL Network. Où c'est que le monde s'en va? C'est quoi ça? Il veut compétitionner avec TVA Sport pour un produit encore plus mauvais. Gomez va analyser l'entrée de zone parce que c'est tout ce qu'il était capable de faire. Non, il va analyser les joueurs bons sans la rondelle. Gomez, le gars qui est le plus solide entre les deux lignes bleues. Le chevreuil, esti. Il gambade jusqu'à genre zone offensive, puis après ça, esti, il cherche que se faire, esti, de la poche. Ah, on aime ça à Montréal, du monde de main. Il doit-tu manquer de monde en esti s'il prend ce gars-là? Mais what the fuck? Ben, comment TVA? On a pris Brisebois et Théo à TVA Sport. Ouais, mais les autres, je vais encore faire ça. Il doit être genre à triper ses sandwichs en moutarde, c'ti. Ben, j'aimerais mieux une sandwich au ketchup, quoi, laisse avec du beurre, c'ti. Bref, écoutez la game demain. Sergachev joue avec Markov demain. Ça va être intéressant. Avec un jeune avec puis un Beaulieu, c'est le gars qui a le plus de points dans le camp d'entraînement à date. Avec Byron. Dans NHL. Ouais, mais on va l'échanger. Beaulieu. Non, on devrait l'échanger. Non, mais Beaulieu, il a une petite canne mongole, là, pas vraiment. Non, on se demande pas si Beaulieu va faire le team. Hey, arrêtez de parler à vous autres, Beaulieu va rester avec Canadien. On fait un show en équipe, là, puis vous autres, vous parlez comme Mark. Tu sais comment ça se passe, là? On parle toujours en Beaulieu. C'est quoi vous avez dit? Beaulieu, il reste où ou il s'en va? Il reste. Beaulieu, il reste. Je pense qu'il reste, mais ça va. C'est ça que tu veux ou c'est ça que tu penses? C'est ça que je pense. Non, mais ça va être ça que je veux. Moi, c'est ça que je veux. Pour qui ça? Pour Beaulieu? Ouais, Beaulieu. Beaulieu, tu le gardes en esti. Un autre jeune qu'on a développé, qu'on va commencer à Beaulieu, un, ça, là, on garde. Beaulieu, là, c'est son breakout là, cette année. Là. Ben, ça passe ou ça casse. Ça va dépendre de lui dans le fond. Je suis d'accord, malade. Ça passe ou ça casse cette année. Ouais. C'est son breakout. Je pense qu'on ne sera pas disappointed. Il n'y a plus de jus après son work, la pré-saison. Ouais. Puis il y a une saison coup-ci, coup-ça. Mais là, il est comme plus vraiment échangeable parce qu'on étoile pas lui. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai, peut-être tu perds des munitions d'échange, mais tu l'échanges contre qui? Ah, ben là, c'est ça l'affaire. C'est ça, tu sais. Est-ce que le jeu envoie à chandelle tant que ça, tu sais? Si on t'envoie un échange, c'est sûr que le défenseur des Ducks, là, on pourrait l'échanger contre le défenseur des Ducks. Non, mais Cam Fowler, là, il fait pas des miracles. Fowler, man, et voilà. Il fait pas des miracles, ce gars-là. On a Beaulieu. Qui c'est qui dit que Beaulieu est pas plus performant que Fowler? Je te dis, cette année, il est dessus. Je parle présentement. Présentement, Fowler est plus performant que Beaulieu. Check bien ça. À fin de l'année, on pourrait en reparler. Moi, je veux pas l'échanger, mais je sais mais à fin de l'année, Beaulieu, s'il chie dans la panne, tu viens de perdre sa monnaie d'échange. C'est un gamble. C'est carrément un gamble. Mais si tu l'échanges aujourd'hui, tu vas voir Fowler, mais ça marche pas sa masse, là. Mais non, ça marche pas sa masse. First, il faudrait que tu débarrasses des minutes, mais tu vas voir Fowler. Beaulieu, il vaut 1 million sa masse salariale présentement. Non, il coûte rien. On peut pas l'échanger contre mais Fowler, il est 4 millions. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'il reste chez eux, qu'il mange la marque. Il va se retrouver à Vegas. Hey, man, Fowler, mange-moi le sac, man. Ouais, il va se retrouver à Vegas. Fowler, moi le sac. Hey, il y a des nouveaux venus cette année avec les Canadiens, dont Radulov. Guillaume, tu penses quoi de Radulov? Penses-tu qu'il va performer cette année ou il va donner son minimum, va faire 25 buts? Qui ça? Radulov. Radulov. Je suis Radulov. Comment, Mardon? Radulov, man. Il a posé la question à l'activité. Tour de table. Avec Radu aussi, Weber n'aurait pas été là, j'aurais eu la chienne. Weber est là, c'est que ça va être correct. Tu penses que. Tu penses que le défenseur va aider l'avant? Ben, le vrai capitaine qui se connaît chez Weber. La chimie, man. Mais il est déjà retourné à Nashville. Radu est déjà retourné à Nashville. Oui, ça n'a pas fait rien. Il a planté puis il est parti. Il avait genre. Mais il était pas marié qu'un enfant dans ce temps-là. Non, il est sorti avec un fucking costume puis son fucking costume. Ouais, mais Jeff, la mafia. Radu, man. Il est marié qu'un enfant. Ouais, mais Radu, là. Regarde-le à la face. So what, man? On est encore sous nous autres ici pour on a des enfants. Ouais, mais t'es pas payé une couple de millions par année. Bergevin l'a dit en conférence de presse. Tabarnak! Oh yeah. Non, mais regarde ça à la face, Radu! My boy, man! My boy, man! My boy! Il a l'air d'un homme de Cro-Magnon! Ça, ben, il est écœurant! Amène-moi-en des pas dedans, moi, aussi! Il a l'air d'un homme de Cro-Magnon, puis il a les mêmes dents! Ça, c'est un homme responsable! Radu a pas l'air d'un doux! Hey, le dernier qu'on a eu à de même à Montréal, c'est Gino O'Jack, aussi! Tout le monde l'aimait! Ouais, mais tout le monde aimait Gino! Mais il avait moins de dents! Ouais, il manquait deux palettes comme Radu! Pour de vrai, Radu Love, là, c'est. Either c'est soit le move du siècle ou c'est le. Non, on pas le move du siècle. Oui, c'est le home run de l'année, man. De l'année, ok. C'est une expression. Ah, juste c'est pas le home run de l'année. Oh, man. Sérieusement, là. Ça va être le move de l'année où on va se planter. Ouais, c'est le move du siècle. Ok, c'est une expression. Alex. Alex. Tu es pas trop fort, quand il a fait sa crise de passe, man, à Beaulieu, là, puis il a levé sa visière, man, là, j'ai fait comme wow. Ça, c'est un hostile play, man. On n'a pas vu ça depuis Kovalev qui ramasse son gant à des joueurs gars. Mais le jeu qu'il a fait, le jeu qu'il a fait avec les connards. J'ai pas vu ça là, depuis Kovalev. Genre hier. C'était écœurant. Ouais, c'était beau ça. Il était direct dans le coin, mon gars, il est allé à chercher. La grosse passe straight, man. Passe entre les jambes du gars. On s'est entendu pour dire que c'est le joueur le plus à l'opposé de Plekanec. Ben oui, complètement. Le dude qui est comme ça à poudre, trop d'énergie. Hyper actif selon un ancien coach, puis t'as l'autre qui dort. Puis l'autre il est sur la poudre, mais lui c'est laid en poudre, man. c'est ça l'affaire. Lui il est sur le Carnation ça à côté. Ça là. Va comme se balancer, puis peu importe le sommet avec eux autres, ça va bien aller. Éventuellement, je pense que Radulov va être avec Galchenyuk. L'équipe ça peut-être. Ça fait très mieux. Ça veut dire tu mettrais Gallagher en place de Gallagher? Exactement. Ben non, arrête. Ben oui. Tu vas mettre Radulov à la place de Gallagher? Les deux manger dans le burger du McDo. Fait que tu vas mettre Galchenyuk, Radulov. Exact. Patcherelli? Ah ouais, ça a été carré. C'est la deuxième ligne sur un Plecky, Shaw. Non, Plecky, Gallagher et puis. C'est qui ton allié droit? Les Conan. Ouais, les Conan, on en parle de plus en plus, là. Ouais, les Conan, Mart, tu le trouves-tu bon? Les Conan, sérieusement, les Conan, il n'a rien prouvé. C'est un gars qui arrive à la SM, les gars, Suède, si. Non. Il n'a jamais joué un gros calendrier, là. Il va arriver contre des hommes, Esti, man. Il va dropper, man, Esti. Je te dis, il va dropper, il va tomber. Ouais, mais ok, tu vas-tu donner. Mais ça, c'est-tu un autre Esti? Mais t'as peu. Ceci étant dit. On garde-tu pour le début de l'année. Ceci étant dit, les Conan a des crises de skills. Il y a des skills. Il y a des skills solides. Il est legit. Il est legit, ce gars-là. Il est legit. Mais, Esti, man. C'est sérieusement, c'est, il t'offre pas le tempo de la Ligue nationale, je suis sûr et certain. Ben, tu vas-tu garder en début d'année. Gros, c'est ça qui va le taper. Je le prends, man. Tant qu'à le renvoyer, man, en Europe, je le garde. Il brûlait la Ligue en Europe. On s'en calisse, ça se dit, c'est la Liga B8. Ouais, mais il y a la grosse Ligue et tout ce compétitif avec l'HL. Hey, malade, j'ai rien compris ce que t'as dit. 8 personnes parlaient en même temps que toi. C'est la Ligue où ce qu'il jouait, c'est comparé à la KHL, là, en Suisse. Ok, ça veut rien dire, comparé à la KHL. La KHL, c'est quand même un peu plus comparé. Une ligue qui comparée à KHL, là, je veux dire, franchement, c'est pas de très haut niveau. Ouais, mais le gars joue avec des adultes. Il y a 18 ans, puis il joue avec des gars de 30 ans. Là, on s'entend que le physique. Ça là, veut il rien a, dire, ça. Mais oui, je peux jouer, aux 4 classes contre des gars de 30 ans. Si ça veut pas dire que je suis prêt ouais, à la NHL. C'est tous des gars chauds qui ont pas de couilles, esti. Le Conan joue avec des adultes, des professionnels, des anciens NHLers. Des anciens NHLers. Ben oui, à 30 ans, esti. T'as-tu vu jouer avec des gars de 18 ans qui ont des boutons sur la gueule? Mais non. Ah, c'est sûr, je joue contre Lapierre. Le majeur du Québec, Chris, a de la misère à faire une si je joue contre Lapierre, Marc-André Bergeron, tu man, I'm fucking ready. Marc-André Bergeron? Attendez, là. Fuck off, Marc-André Bergeron. Il y a un point que votre partner a amené, là. Je pensais qu'il était plus gros qu'il était, mais je viens d'aller voir sur les internets. Oui. 5 et 11, 163 livres qui selon ça? Wikipédia. Les Conan, les Conan. Hey, les gars, c'est pas un monstre, là. Mais ça peut amener une, des points à, au fait qu'il peut se faire brasser quand même. Ouais, mais s'il est bon, ça la rondelle. Parce que... ouais, s'il est bon, ça la rondelle, Michel va l'aimer. Non, mais c'est un pécanisme joueur spectaculaire. Mais c'est vrai qu'il y a des skills en défensive. Ça, faut que j'y donne. C'est son point fort, son hockey. Non, mais tabarnak, on a besoin de scorer des goals, là, c'est-tu? Ouais, mais t'en as un qui peut scorer des goals. T'as Radula. Ben oui, tabarnak, tu aimes en nommer un. Vas-y, donne-moi ça en d'autres. Pacheco. Pacheco qui va rentrer 30 dans cette vie. Ça va scorer des buts, ça? Non, check bien ça, c'est parce que Lekkonen, l'affaire, c'est qu'il peut faire le. Il peut faire les deux premiers. Ils vont faire le top 6, OK? Ça. Mais c'est parce qu'on est tellement en mal de top 6, on cherche tellement un allié que ça devient fucking compliqué. Puis ce gars-là, c'est comme la potion magique là, dans, oui, le dans l'équipe. Ouais, mais y a après, son plan, il met chance à la troisième ligne. On n'ira pas aller chercher un gars puis mettre Shaw sur la troisième ligne. Shaw, c'est un gars de troisième ligne. Troisième ligne, mais pendant la game, si y en a un qui se pogne le cul comme Pacheco, tu mets Shaw dans la deuxième ligne. Il peut pas faire ça. Shaw, c'est le calice à troisième ligne. Il passe sa soupe à toutes les cinq minutes. Ah, mais attends. Ouais, c'est le bordel, là. Les boys, come on. Mais anyway, le résumé sur le Conan. Qui mange la merde, tabarnak? T'as pas fort, mais c'est pas grave. Vas-y, mets le résumé. On a un autre qui arrive cette année, qui est Andrew Shaw, qui est fucking déjà suspendu en. Mais non, il est revenu hier, là. Il était suspendu trois games pré-saison. Okay. Fait que ça, c'est quoi? C'est l'équivalent de Keitel qui donne des tas de ses doigts? Jeff, mais... on va appeler chat un chat, là. Oh! Ceci aura été la pire joke de tout l'épisode 50 de la soirée du podcast. Non. La pire a été faite par Bob Hartley, man, qui a dit « Cette année, chat va ajouter du chien. » Oh, tabarnak! C'est à Bob Hartley, celle-là. On l'a vu sur le board. Ça, puis les jokes de... Ça, c'est Shea Weber. C'est assez, là. Shea Weber, on les a toutes faites, ceux-là. Non, mais... Mais Shaw, pour vrai, va te donner de la grit cette année? Qu'est-ce qu'il va... Va te donner quelque chose? Shaw, t'entends pas des miracles de Shaw. Shaw, il va mettre Spirit, man, that's it, man. C'est un upgrade sur Dale Lewis. C'est vrai de ça, man. On s'est trouvé... Mais il coûte cher en crise pour non, qu'est-ce que... Non, mais on a plus de base. C'est son leadership, puis une coupe, deux coupes Stanley. Non, mais le plan... Des gars de coupe Stanley, on a ramassé un autre avec les Canadiens. Le plan, on a pas c'est d'avoir un... C'était semi-sarcastique, mon commentaire. Ouais, mais deux, les coupes Stanley, là, ça dépend avec qui tu joues. Come on, là. Patrick Kane, Jonathan Toews, Corey Schneider. Même moi, j'aurais une coupe. Non, mais Shaw, on va l'aimer dans les séries parce qu'il va nous amener genre... Il amène un autre perspective, le Canadien, il y a pas. Il y a Gallagher, puis il y a Shaw. Right? Les deux, c'est des joueurs pareils. Ouais. Daniel Carr. L'histoire, c'est d'avoir un, puis Gallagher. Daniel Carr, c'est pas un gars qui va sacrer de Valnet comme Shaw. Ouais, ben c'est pas pareil, man. Non. Pas autant que ces deux-là. Il est pas aussi c'est une peste de peste. C'est parce qu'elle est gentille, c'est pas ça, là. C'est un petit Chris qui va en avant du net, mais c'est pas une peste. Shaw et Gallagher, c'est une peste. Écoute, les buts qu'a rentré dans ta tête, c'est qu'il paye le prix. Non, Carr, il rentre pas dans la tête à personne. Non, mais il paye le prix. Carr, quoi? Ouais, il paye le prix, il se met devant le net. Mais c'est pas Carr, un joueur comme Shaw et Gallagher. Carr, il se met dans son payant. Ouais, c'est vrai. Chara, il se met devant le net des fois. C'est pas ma petite affaire, man. Chara, il a misère à s'avancer. Hey, c'est pas le même style de joueur. Carr, Shaw et Gallagher. Shaw et Gallagher, même style de joueur. Carr, non. Ça ressemble. Ça ressemble, mais se met devant le net, mais c'est pas pareil. Hey, le même DNA. Yes. Quoi? Juste que Shaw et Gallagher, si tu mets Gallagher sur la première ligne, Shaw sur la deuxième. Shaw sur la deuxième? Ouais, t'as pas le choix, non, là. Non, t'as pas le choix. Oui, t'as le choix, man. C'est une erreur de Bergevin, man. Shaw, c'est un gars de troisième trio. Il a pris une grosse chance. T'as pas garanti qu'il est sa deuxième. Shaw, c'est un troisième de luxe qui peut aller voir les tours. On s'entend tous là-dessus. Shaw, c'est un troisième de luxe. Oui, tout à fait d'accord. Présentement, sa deuxième, t'as qui à mettre à part Shaw? Lekkonen, Radula puis Plekanen. Lekkonen, Calme-toi. Lekkonen dans le line-up. Pour 82 games, tu mets Lekkonen, toi. Hey, Alex. De toute façon, anyway, tu sais, 82 games, ça bouge le temps et line-up, là, anyway, là. Surtout avec Lekkonen. Lekkonen, il reste plus que 10 games. C'est un style de bipolaire, là. Ça y est, Dave, il l'a dit. Si Mallette est bandé Lekkonen, c'est la saison est partie là-dessus. Il a vu son premier but. Non, mais c'est pas écrit dans le Corsi qui est bon, par exemple. Non, mais bon, tiens, là, si, même Lekkonen, Chris, il va finir sa deuxième, t'as pas le choix, faut que tu lui donnes le gaz. Si tu peux venir de Finlande, ou ce qui mange du calice de saumon fumé là-bas, man, pis tu le pointes ici, man, tu le fais jouer ça à deux, c'est that's all, sinon tu fais wow, fuck you, le, bitches, le jeune qui a jamais rien prouvé dans la NHL, faut le faire jouer sa deuxième. Hey, mais là, saumon fumé, mais là, tu vois les connais dans tes alphabets, c'est-tu, calme-toi une heure, à un moment donné. Hey, man, va te manger un petit cavier, man, comme vas-y, toi, c'est très bon, man. Spaghettio. Il a fait 11 shots en game, il provoque des choses. Eh hey, bien, tu as scoré combien de buts? Il a scoré un but. Il y a un poteau. Oh my God. La période se termine là-dessus. On remplace Plekanec, on remplace Pleasure Ready. Non, il joue avec Plekanec. On a juste besoin de Plekanec aussi et on shot un but. Non, il joue avec Plekanec. La période est terminée. Ben Guillaume, on s'excuse que JF et Alex n'avaient pas laissé parler de la période. Pas grave, faut savoir laisser la place aux autres dans une équipe. Mais d'ailleurs... Non, pour le vrai, si tu viens d'un podcast, faut vraiment que tu gueules puis tu prends ta place. Parce que ça, hey man, un pro-bird, sérieusement. Là, Tom, you know what to do. Le pro-bird, j'ai jamais eu autant de sucre c'est droit de ma vie, man. C'est bon. Il y a même sur ton micro. Il y a même dans son jackstrap. Il y en a même un peu sur ton micro, Mark. Ouais, tu m'aurais mis du foil, man. Le pro-bird, j'ai jamais eu les mains aussi collées, sauf hier soir. Hey, le pro-bird, c'est pas bien simple, c'est comme une dread sa gueule. Mais je l'ai pas dit au début de show, mais il va y avoir un open mic à la fin du show. Fait que Guillaume, tu pourras revenir dire ton commentaire. Ben oui. Je vais penser à quoi là, pour essayer de pomper un trigger quelqu'un dans la gang. Là. Ben voilà. Puis, trigger, t'as facile à viser. T'as comme. Là, ça se vise bien quand même. Là. Ça pogne en tabarnak. On va tester ça. You're wrong. Fait qu'on t'a remercié d'être venu sur le podcast, Guillaume, puis on vous invite tout le monde à suivre le Geek Collectif qui est un excellent podcast. Merci pour tes brefs. Allez, tout le monde. Thanks, man. Right. Merci. Thanks. Hey, on va en mettre la boucane. Asti. La machine est gelée, bon. Ses paroles étaient brèves, mais efficaces. Oh voilà. Yeah. Woo! Yeah, il part avec son sac. Alors. Donc, pour la deux. Ton gars, sac sans table. Ça va, les gars? Quoi? Fait que pour la deuxième période, on va changer de concept un peu. Et notre deuxième invité, vous le... Hey, ça vous trouvez-vous une chambre, les gars? Ben, moi, je t'entends dans mes oreilles en tabarnak, t'es à deux pouces de ma face. Il y a eu du feedback. Qu'est-ce que le feedback, man? Donc, comme je disais, le deuxième feedback, invité... Feedback, c'est... Jeff, man, sérieusement, je pense que vous séparez ma lettre, man, puis Ben, on peut vous swapper, vous deux aussi, ouais, c'est ça. Ouais, let's go, swap, man, come on. Bon, ça y est. C'est quoi, il ne sait pas comme à l'école, man? Calice, on change les lignes, tel Michel Therrien. Est-ce que je perds mon partner, tabarnak? Ouais. C'est Alex, t'as plus combien de vagues? D'ailleurs, j'aimerais spécifier que... Je veux spécifier que Alex a une salière sur la table pour mettre du sel dans sa bière. On vous juge pas, Arcade Montréal, ce que vous faites avec votre bière. Oh yeah! Ouais, ça, man, aussi, je m'en viens dans la zone privilégiée, comme dirait mon pedno. Pour la deuxième période, le deuxième invité, vous le connaissez en tant que copropriétaire du bar et papa cassette du podcast de Rétro Nouveau. Mesdames et messieurs, le numéro... 51, Dominique Bourret! Yeah! Yeah! Yeah! Hey! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Une grosse bière! Yes, sir! Pendant que Dom renverse sa bière partout sur la table, sur le soundboard et sur le pacing. Sur le... Non, sur le pacing. C'est correct. Non, là, c'est Mark qui fait ça, fait que c'est pas grave. Attends un peu. T'es comme Mars. All right. Première chose que j'ai à dire, parce que moi, je commence à parler immédiatement. Es-tu correct? Tout est correct? Ça va. Le soundboard est-tu brisé? C'est beau. Dave, Dave s'occupe pas. Fait les affaires en homme. Ben ouais, mais on est des hommes, on les est pas. Hey, Dom, avant de commencer, mais qui es-tu et plug ton podcast? Parce qu'on se connaît pas. Comment tu dis, ouais? On est là pour plugger ton podcast et t'es qui dans la vie? Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici à la soirée du podcast à Arcade Montréal? Qu'est-ce que tu fais ici à la soirée du podcast avec ton chandail des Islanders? Ouais, surtout. Mais le pêcheur, surtout, on s'entend. Le beau chandail. Je porte le plus beau jersey de hockey de tous les temps. C'est le deuxième après les Red Wings là. Mais les Whalers. Moi je suis un grand défendeur de ce jersey là. Ah ouais, sérieusement. Parce que moi je design un graphique, j'ai du goût, je suis un artiste. Voilà. C'est balancé. En tout cas, il défend ça. Les couleurs sont choisies, c'est bien fait. Il n'y a pas de petit trou. Tu sais, comme le logo est bien fait. T'es sérieux? Le phare ici, très bien pensé. Il n'y a personne de vous autres qui voyait ça. Mais voilà. Ben, d'habitude, j'ai un bon œil pour les... C'est correct. Mais bon, je peux comprendre que c'est pas, tu sais, comme classique. Non, c'est un des beaux. C'est un des, comme, underrated alternative jersey. C'est le chandail que Sigmund Palfi portait quand il a embrassé sur la bouche. Sigmund Palfi dans ma game de NHL 2002. Quand il a embrassé sur la bouche un de ses collègues après avoir scoré un but. Ah ouais. Moi, je pense rien qu'à ça tout le temps. Bon, c'est bon. Tu parles du baiser. Écoute, Sigmund Palfi et son bonheur t'ont fait dire bonjour. Ah, mais aussi, je voulais juste dire en intro, mon numéro 51, ouais. C'est parce que quand je joue au hockey mineur, un moment donné, dans notre plus grosse saison, on choisissait pas nos numéros, tu sais. Puis toi, on dit comme Dominique, toi, ça va être le 51. Puis le seul joueur de, dans ce temps-là qui avait 51, c'est David Desharnais. C'est André Kovalenko. Ah, mais il y a eu beaucoup de André Kovalenko. C'est la merde, là. Mais Boubou. Oh non, je suis André Kovalenko. Mais Boubou, il y a eu ce numéro-là. Ah, ben oui. Est-ce que ça nuit à ta saison? Tu peux te contenter. J'ai eu une bonne saison. Okay, j'étais un défenseur défensif parce qu'on m'a jamais enseigné de tactique offensive. Un stay at home. Fait que je rentrais le monde dans la bande et j'empêchais la poque. C'est correct, ça. J'étais plus qu'à faire prendre. That's my boy, man. Ça en prend, les défenseurs défensifs. On vous invite à suivre RetroNouveau.ca pour votre besoin en jeux vidéo. À suivre. On parle de jeux rétro, c'est moi qui en parle, et de jeux de nouvelle génération. Ça, c'est les autres qui en parlent. On fait ça depuis 2011. On est rendu à l'épisode 88. Sans compter tous les fucking épisodes vidéo. Les vidéos, allez voir nos archives, c'est malade. Ah ouais, c'est clair. 150. C'est le genre de podcast que tu check. On a Mario G. Ramos, qui était également du podcast de Rétro Nouveau, qui vient nous amener... comment ça s'appelle celle-là? C'est le Final Fantasy. Donc, Mana. Final Fantasy 6. Parce que t'as deux potions, t'as deux éthers et puis t'as deux phoenix d'or. Moi, je veux une potion, s'il vous plaît. Ça serait la rouge, je dis. Fait qu'Alex, c'est une potion. Éther et la bleue. Éther, moi, je vais prendre le Mana, moi. Moi, c'est éther. C'est quoi, c'est jaune, ça? C'est bleu? Bleu, je m'en sers déjà dans l'éther, man. Moi, j'aime bien la potion. Je vais me prendre un Phoenix Down. Avant de commencer la période, ben, on va se prendre un petit show. Ben oui, avant de commencer. Santé. Santé. Attends, ça part. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. C'est bon, c'est comme du sirop pour la toux. Ça te fait penser à une soirée, genre comme dernier au tabac. Ça, c'est le genre de soirée que tu finis sur le dos du bord d'un fossé. Ça, on en vend beaucoup de ça. C'est très populaire. Ça. Tu vomis, genre, sur un riz. C'est excellent, ça. Ça me rappelle un peu la semaine passée avec ton frère. Non. C'était là. Mais c'est pas qu'est-ce qui est arrivé. T'as témoigné. Qu'est-ce qu'on fait, Julien? Pour la deuxième période, comme Dom est là, on va faire quelque chose de spécial. Dans le fond, on va essayer de créer le jeu NHL Papa Cassette Edition. Donc, ce qu'on va faire là-dedans, c'est qu'il va y avoir deux équipes de deux lignes plus un goaler, la meilleure équipe de tous les temps et la pire équipe de tous les temps. Donc, ah, si bon, j'ai pas autant d'informations que ça, là, par exemple. Là, deux lignes plus un goaler? À peu près. Okay, à peu près. Okay, j'ai une sélection. On est lousse, ces règlements. OK, parfait, c'est bon. Fait qu'on part la période là-dessus. Ben, on va commencer par les bons parce que c'est quand même assez facile. Puis après ça, on va niaiser, je pense. Ouais, on okay, c'est quoi? On va niaiser. Je vais essayer de faire. Après ça, on va déconner, c'est pas bon. Mais c'est quoi? On donne tout le line-up de bons? Tout le monde sait c'est qui les bons. Ben, faut qu'on s'entende sur 6 power et 4 deep. OK. On a on parle des meilleurs all-around. De tous les temps. Ouais, tous les temps. T'as le droit de mettre, mettons, Maurice Richard. À égalité à Mario Lemieux. Okay. Écoute bien. Tu vas aller aussi loin que ça? Mais c'est ça. Mais t'es pas obligé. De l'histoire de la Ligue. Moi, je pense aller 80. Hey, c'est pour le fun. Ben oui, Chris, on joue, là. Hey, on est juste là pour dire de la merde sur des joueurs qui sont pas bons, là. Bon. OK. Let's go. Parlant du loup, ben, je pense que je le mettrais peut-être forward. Qui? Maurice, le Stitches Richard. Qui volé sa gueule au monde. Monsieur, je déménage, je stie un 5,5 puis aller scorer. Ça, c'est comme un choix facile qu'on statue, genre, on se dit, OK, je on l'ai pas mis, moi. On le prend. Ouais. OK, j'ai une demande spéciale. Tu vas me coller un joueur des Nordiques, drette sa line, drette là. Sakic ou Forsberg? Non, c'est Stachny. Je suis pas allé avec Stachny parce que je trouvais que c'était le choix facile. OK, mais check. Attendez, les gars, y a-tu des fans des Nordiques dans la foule juste pour savoir? Non, y en a pas, c'est sûr qu'il y en a pas. C'est ça, ta ligue, ici? Non. 3-4. Stachny for the win. Fuck, on a 7 brutales. Même le dos, tu te vends quoi? C'est que Jersey, il est fan des Nordiques. Hey, Anton, Steve Peter, man. Come on. Les frères Stachny. Come on. Juste pour le... Peter et les autres, ils ont jamais à côté. En passant, il y en avait deux. Ben, excuse-moi, Joe Sakic est meilleur que les autres Stachny, c'est sûr. OK, mais Dom, disons que ton line-up, toi, c'est quoi t'avais sélectionné comme joueur? J'ai pas de line-up dans les ponts. Mais le seul défenseur que j'ai mis, parce que c'est un joueur préféré de tous les temps pour moi, c'est le bon vieux Raymond Bourque. Ah, crème, c'est bon. Je l'avais mis dans mon line-up. Peux-tu s'entendre sur Raymond Bourque? Sharp shooter et puis... OK, Paul Coffey. Moi, j'ai fait un line-up. Ben, j'ai fait un line-up, ah, c'est le joueur, OK? Gordie Howe. Je vous donne ça, ça sera pas long, OK? Je vais faire comme un mémo vocal. Bon, fait que là, on retombe à le spécial pooler de Manette. Non, t'as peur. On a un gars qui nous nomme ses joueurs pendant une demi-heure. Non, Dave, j'arrête tout de suite. Nomme ton pain. Mike, prends ton temps, mais fais ça vite. Dave, j'arrête tout de suite. Moi, je nomme des joueurs que j'ai vu jouer, OK? Qu'est-ce que c'est ça, ce téléphone-là qui est à moitié arraché? C'est un iPhone. C'est un iPhone 1, man. Les bâtards, ils ont une ruelle, c'est-tu? Ça, c'est... il y a comme un... Ça, c'est une soirée arrosée au festival de bière de Chambly. Je me tiens pas au bon. Il est comme un chat dans une ruelle. C'est un grand iPhone, man. T'avais pas c'est ce moment, magnifique. Okay? Vas-y, ton line-up. Ça, c'est un hostie de plan de cave en basic. OK, check bien ça. Mes avant, OK, j'ai mis Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Ovechkin, Fedorov, Bourré, Teemu Selänne, puis pour mes defs, j'ai mis Lidstrom, Stevens, Patrick Roy comme goaler, puis Carey Price comme goaler. T'as mis Stevens comme défenseur? T'as mis Scott Stevens comme défenseur? Parce que, OK, check, ben ça, je m'explique. Je me suis mis comme le meilleur calliste de défense de all time, man, c'est Lidstrom, qui est le plus cerveau de tous les défenseurs du monde. Puis je me suis mis le plus assassin, man, c'est-à-dire. Puis qui se retrouve genre dans le top de, des tops de points, man. Scott balance. Stevens. Mais pas de vrai, tu perdrais. Yeah, he's my boy, man. Scott Stevens. Boom! Lui, juste à l'air, Raymond Bourque, mettons Paul Coffey. Raymond Bourque, j'ai pensé, man. J'ai pensé, mais Chris, Scott Stevens, il me parle le plus. Ben, si on y va Toi, t'es juste bandé, blessure, fait mal. Non, Chris, il a scoré des points en tabarnak. Il n'a pas de points, ce gars-là, man. C'est le pay cheap shot de la ligue. Il a fait un but en 10 ans. Non, mais check si on y va stats. Contemporain, là, commissaire. Ah non, mauvaise équipe. On n'est pas des poches encore. Meilleur plus moins Eric en 2018. Carlson. Oui, Eric Carlson, mais oui, man. Là, les gars, on s'est juste entendu sur Maurice Richard. Il est où Bobby Orr en défense? Ouais. Mais Bobby Orr, t'as-tu vu jouer, toi? À TV. À TV, en DVD. C'est YouTube. J'ai acheté un DVD. Je l'ai déjà vu d'un livre à mon père. J'ai lu dans un livre qui était bon. Ben, les boys. Scott Stevens, 1635 games, 712 points. Chris, ils ont tous pris des notes. Non, 908 points, excuse. Scott Stevens. Ben oui, Chris, man, il est dans les top, man. Calme-toi, d'un top. Il a joué 1600 games, t'as parlé. Il a joué 1600 games. Hey, t'as une calice de carrière, man, pis il a pété Eric Lindros. Ben ouais, OK, ben, c'est pour ça que tu l'aimes, man. On peut-tu bader les goalers tout de suite? Roy pis Price, mettons, là. Ouais, moi, j'ai pris Roy pis Price. Ben, ça, c'est fanatique. En Tom Barrasso, T'es excellent, Tom Barrasso. Tu peux mettre Ed Belfort qui te rappelle le monde avec son bâton, c'est la gueule. Grant Fuhr. Ron Extall. Grant Fuhr. Martin Brodeur. Dominique Hachek. Bill Renford, Grant Fuhr. Non, Dominique Hachek. Jean Plante. Pas tout à fait. Martin Brodeur. Ken Dryden. Brodeur. OK, on fait du name dropping. Dans le fond, on fait. C'est quoi le jeu qu'on fait? C'est-tu genre open ice, mettons? C'est comme du 3 contre 3, mettons? Non, c'est un jeu, tu fais juste name dropping. Là, tu me mélanges, là. J'avais pas prévu des paramètres aussi tight. Moi, j'avais 2 lignes, 4 def, 1 goal, puis un. Puis dans les goals, un deuxième goaler. Pas 2 goalers numéro 1. Hey, un bon deuxième up. Goaler. Genre, Brian Edward ferait un job. Excellent deuxième goaler pour toujours. Genre, tout s'est dit, genre vraiment. Là, t'oublies pas de Jablonski. Quand il a fini à San Jose. Toi, dans ton jeu, là, ton deuxième goaler, là, il était vraiment comme average. Là. C'est vraiment oui, un second violon. Le meilleur deuxième goaler. Ah, moi, j'ai mis deux. Run Todd Nutt. Fait que je regarde. Il était numéro 1 à Québec. Ta gueule. Fait que je regarde la feuille. Notre équipe de meilleur ne constitue que de Maurice Richard à date. Ben non, mais écrit Ovechkin. Oh, c'est un peu Ovechkin, ah ouais? On va s'asseoir sur Mario Ovechkin Lemieux, dans mon line-up. Gretzky. Moi, là, si je faisais Gretzky, un line-up de Lemieux, rêve, Ovechkin. Je mets le Iserman, Sagan. Ça, c'est ma first line que j'ai faite. Okay. J'ai mis Gretzky, Lemieux, puis Ovechkin. Et hey, ça, là, on s'est entendu que c'est pas un team qui backcheck en tabarnak. Ah, ben, Ouais, mais on s'en tout en avant. OK, sérieusement. Ouais, mais Dave, parle même pas à son micro. T'as peu, Dave. On l'envoie à la rondelle. Hey, Dave, je m'explique. Si t'as ces trois avant-là, y'a rien qui se passe. Scott Stevens qui attend en bleu, y'a personne qui a besoin de backchecker. Tout le monde va se faire du chop en tête, man. J'suis un peu d'accord. Mais qui va aller chercher la rondelle dans l'air du net? Mark, t'es comme dans ta bulle. Qui va faire le point de check? Ben, Red, man, aussi. Moi, je sais. Sur cette ligne-là, là. Chris. Hey, sur ta ligne, là, qui va faire le forecheck? Tu me le diras, Jeff, quand on sera à mi-période pour qu'on embarque dans les pas bons. Parce que il reste belle... 2 minutes 50 pour trouver. Là, à date, on a Maurice Richard, Gretzky, Lemieux, Ovechkin et Maurice Crosby. Richard, tabarnak. Okay. Maurice Richard, c'est lui qui a inventé Crosby. Crosby, ta gueule. On va mettre mon book parce qu'on est dans mon bar, premièrement. Mon book parce qu'il était capable de tirer 4 cibles en 4 tirs, genre. Et puis, ouais, 4 en 1. Ça, c'est un défenseur. Pour ça, tant qu'à ça, connaisse-moi Gordillard dans l'alignement, tabarnak! Qu'est-ce que tu veux faire avec Gordillard, Calis? C'est bien trop tard. Chris, l'évangile en papier, trop vieux, Maurice Richard, c'est ça. Non, mais il fait une fête égale, tu sais, comme... Une fedette dans ce temps-là équivaut à une fedette aujourd'hui. Je l'ai pas vu jouer, moi, Gordillard. Hey, d'abord, man, c'est Boum Boum Geoffrion, man. Larry Robinson, Peter Srebota. Moi, j'ai juste nommé des gens du monde. Jean Béliveau, t'as qu'à ça? The Big 3-7, Chabard. Donc, c'est à acheter, man. Hey, mais moi, Madame Béliveau, qu'est-ce qu'elle a dit encore? J'ai quelque chose à dire, Jeff. Attendez une minute. Attendez, Jeff, il a rien dit. Il a rien dit parce que c'est toi, pas là, tu sais pas, là, t'as mis en marde avec ton affaire, ouais, là, c'est là. Laissez faire les jeunes Crosby et Ovechkin, là. Mais Mark Messi et Steve Yzerman sont pas sur la liste. J'y ai pensé, mais Chris, c'est pas spectaculaire, le gars. Il est juste spectaculaire ouais, dans mais la douche. Mais ça parle des gars qui jouent au hockey, c'est deux hommes, pas juste à l'avant. Moi, un gars qui fait l'annonce de chip, parce qu'il n'y a pas d'affaires à la liste. Si, t'es comme le style de genre. T'es comme l'ancien coach des Canadiens, un gars de pastoral, toi. Mais ouais, non. Non, c'est vrai, mais reconnais dans sa place. Mike Modano pourrait faire partie de la liste pour les States. C'est le meilleur joueur américain. Moi, j'ai entendu dire que Mike Bossy, quand il tire au but, il visait jamais quelque part. Il faisait juste tirer au but. C'est comme ça qu'il a fait ses points. Mais ça marchait. Mike Bossy, non. Mais son il truc, l'a dit. Il a dit ça. Son truc, Mike Bossy, son vrai truc, c'était genre quand il était en échappé, genre il checkait à gauche puis il tirait à droite. Ça, c'est son vrai truc. Ah, mais t'as ouvert vraiment un gros sujet, Dom, parce que... On peut assassiner toute la sinuite. Ben, c'est parce que c'est tellement il y a tellement de bons joueurs. Ouais, c'est trop big, man. Il y a tellement de mauvais. Là, on arrive à la moitié de la période. Okay. Fait que je pense qu'on... Là, on va commencer les pas bons tout de suite. Allons-y avec les pas bons. C'est moi qui commence. Qui sont les pas bons? Parce que j'ai une liste. J'ai juste travaillé là-dessus. Hey, je veux valider, man, aussi. OK, premièrement... Hey, juste une parenthèse, là. Notre team des meilleurs est dégueulasse en ce moment, là. Ah, mais la fin est tout mouillée, hein, man. Non, mais on va remplir ça, il là. Est même pas, il est même pas complice, tu sais. Ah, on n'a pas le temps, man. On n'a même pas un alignement pour starter. Hey, il manque tout ses joueurs là-dedans, man. Ça va être plus top si la ligne n'est pas bonne. Hey, Valérie Bourré, pas la bouteille. Mais la bouteille. Pas vraiment en position. OK, j'ai un couleur, moi, t'es pas bon. Laisse-le parler. Rory Fitzpatrick. Le gars qui était genre moins 80, mais qui est allé au match des étoiles parce que le monde aimait ça se foutre de sa gueule. Les fans ont tous voté pour lui. Un genre de John Scott. Un genre de John Scott. John, ouais. Ben, John Scott qui était plus loin dans ma liste. Un beau gueule, là, c'est-tu. Oh, ta gueule. John Scott, à part dropper des gants puis péter des gueules. OK, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faisait sa glace? Mais Rory Fitzpatrick, puis c'était très drôle. Puis il a osé... Il est allé au match des étoiles, non? Oh, ouais, comme John Scott. C'est là qu'il a commencé à voter pour lui. C'est gênant, Chris, pareil. Pour Vancouver. Ça n'a pas d'allure. Ouais, mais Chris, t'en profiterais toi ici du match des étoiles. Ben oui, mais en tant que genre plus nul, puis en tant que dingue. Genre tes enfants et ta femme pourraient prendre des photos avec des vrais superstars. Si le monde a voté pour lui. J'y suis allé, mon garçon, parce que papa est un hostie nul, puis tout le monde se fout de ma gueule. T'sais, non, là, j'ai de la fierté, là. Ouais, mais il y a un petit chandail gratis qui vient avec. Ok, vas-y, ton bon, nom. Hey, main de béton, Guillaume Latendresse. Faudrait la ramener. Monsieur, je patine comme un hostie de pingouin, man. Tes mains de béton. Monsieur, surtout des pieds de béton. Monsieur, je fais de pas dans mes jeans. Hey, non, sérieusement, surtout des pieds de béton, man. Il patinait comme un hostie de pingouin, là. Sérieux, monsieur, j'ai des cuisses molles dans des jeans serrés, c'est ça? Monsieur le seul gars qui a fait du power skating une fois arrivé dans NHL. Du power skating. C'est vrai, c'est. Dans l'avant-dernière année qui était avec le Canadien. Là, j'ai décidé de faire du power skating. Yeah, okay. Là, j'aurais deux premiers choix overall très décevants. Oh, c'est très facile de dire Daigle. Fait qu'on va passer. Ah, texte un flop total. Mais le deuxième, quand je m'égare sur Wikipédia et que je m'amuse à aller regarder genre les drafts de première round. Vas-y, asti. Là, c'est qui que t'as en tête? Ah, le russe. Pascal Lohm, c'est bon. Patrick Stéphane. Oui, man. Patrick Stéphane. Stéphane, là, c'est ça. Stéphane, c'est dégueulasse. Est-ce que c'est le pire draft ever? Je me rappelle plus, c'était en genre 2007 ou quelque chose de même. Ouais. Le first overall, Patrick Stéphane. Juste la déception. Ce gars-là, il a essayé fort. Non, il a pas essayé fort, mais il a rien essayé. Essayé. Je pense que ça va être un Sherback qui va faire ça. Ça a jamais marché. Sherback ne jamais dans NHL. Là, j'ai un bon choix. 9e overall. Vas-y. Frère d'un grand joueur de hockey. Brett Lindros. Brett Lindros. Brett Lindros. Commotion. On l'avait oublié. Commotion des gens partant. Je savais même pas. J'avais oublié ça. Dude, c'est Brett Lindros. Je pense qu'il jouait pour les Islanders. Il jouait pour les Islanders, en plus. Fait que Brett Lindros va être mon dude. Un joueur que j'avais engagé dans ma game de NHL 2008. Et puis qui était calissement bon, mais qui finalement n'a pas développé. Alexander Zvitov. Ah, tabarnak, avec un pas overall, un des plus décevants du Lightning. Ouais. Gros pic, mène un échec monumental. Ah, ça c'est Sigmund Palfi. Ah, mais c'est ça. Mais Palfi. Mais Palfi a fait de quoi? Palfi a fait de quoi? Palfi a été meilleur que lui. À part embrasser des garçons, il a quand même son vrai il est resté plus longtemps dans la ligue, je l'admets. Mais Sigmund Palfi était une déception. Palfi était dans ma team aussi. Mais c'est vrai, mais c'est vraiment une déception. Avec l'équipe-là, était mon top forward. Ouais, j'ai ta sélection jusqu'à date. Continue, feed-moi, man. Je ramène un classique aussi. Hey, t'as Red Light là, dans ta liste. André Red Light Rascot. Ben oui, c'est sûr. Qui ça, Rascot? André Rascot. J'en ai un. Goaler ever. Mais ça, ça prouve qu'avoir ton nom sur la coupe, ça veut fucking rien dire. Ça veut rien dire, mais j'en ai un autre pour faire goaler. C'est comme le cas, ça veut rien dire. Dan Cloutier, man. Ah, Dan Cloutier, ouais. Hey, calice, Dan Cloutier était-tu assez mauvais avec les Canucks? Ouais, il était comme genre Cloutier. Il a pas joué à Québec aussi. J'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches. Puis un goaler obscur qui s'appelle Steve Passmore. Lui, il avait un nom prédestiné. Je trouvais que le nom était sacoche, puis je trouvais que ça valait la peine d'être mentionné comme goaler pourri. Man. C'est Steve bon ça. Steve Passmore, passe-en en plus. Et là, je tiens à mentionner que les choses que j'ai sorties, c'est en tapant Worst NHL Players of All Time. Ouais, Moutou, j'ai fait ça. Moutou, j'ai fait là, ça. Là, il y en a probablement tous les mêmes joueurs. Hey, c'est qui le numéro 5? Ben, j'en ai plein d'autres, mais il y en a un magnifique. Il y en a un que lui, il aime bien, gros. Randy Cunningworth. Oh my god, man, c'est quoi qu'ils ont dit? C'est sénateur, tu sais. Il était laid, en effet. Ben, un des pires, ben, premièrement, il était laid. C'est que lui, il aime au bout, c'est John Scott. Ouais, ben. Numéro 5, man. Des pires, mais là, Joseph Poto. Dans la NHL. Moi, il va le défendre, par exemple, John Scott. Ouais, pour John Scott, man, c'est one of the most feared, man. Ouais, ben pour Mart, là. One of the worst also. Avant John Scott, je mettrais Mario Roberge. Ah, t'es ouais, malade, man, il a fighté. Esti, t'es malade, il a fighté Tony Twist, man. Combien de games a gagné? Fuck off, Roberge. Il a-tu battu Tony Twist? Il a fighté Tony Twist, juste parce qu'il a drapé les gants. C'est juste malade, man. Il devrait avoir le nom. Ah, c'est des malades. Hey, Mario Roberge, tabarnak, ça attendait à quoi un scoreur de 35-40 buts? Mark. Pas parce qu'il a drapé les gants que c'est un héros, là. Oui, ça il a perdu, tabarnak. Oui, il va rien faire dans la ligue. Mais Morissette était chier. C'est aucun respect, man, plein de force. J'en ai un dernier qui est quand même frais en tête. Là, ouais, ouais. Vas-y. Louis Leblanc. Oh! Mais oui, c'est un très parce qu'il n'a pas joué plus que 5 games dans NHL. Monsieur Strip Wozniak en tabarnak. Ouais, là, il fait juste scanner des balles à sa femme qu'elle se pratique sur le dos. Monsieur, c'est ma blonde qui tient la raquette. Monsieur Strip ses balles, mais plus ses balles de tennis. Hein? Non, moi, j'avais René Bourque. René Bourque, le gars de Lac-la-Biche. Dans le cas de René, je trouvais que... Tu l'as dit? Hein? Dans le cas de René. Dans le cas de René. C'était une joke que tu dis sur votre show. Tu l'as tué encore. Je l'ai ici. Vas-y. Dans le cas de René. Dans le cas de René, je trouvais. Dans le cas de René. On voit que Michel avait été très mal à l'aise. Il y a deux joueurs des Flames qui sont sortis. Et là, René. C'est un gars que j'ai pris dans un de mes pools en disant qu'il va mieux performer quand il va être échangé. Si. Matt Stajan. Quitte Toronto, il va arriver à Calgary, il va finalement devenir quelqu'un. Mais non, il n'est pas devenu vraiment... Il est trop tôt pour dire ça, quelqu'un qui était légèrement... Il n'est pas un des pires de la Ligue, Matt Sagan. Attends une minute, il peut rebondir. Hey, non, c'est rough un des Flames que je peux te nommer qui est bien pire, là, sérieusement, c'est Rocky Thompson. Il peut plus rebondir, ah, ouais, mais moi, je trouve que t'es rough. Rocky Thompson, ça, c'est pas grave. T'es rough. On en reparlera. En avez-vous d'autres? J'ai fini ma liste, là. Je vous laisse aller. Moi, sérieusement, dans ma liste, là, un des pays, là, puis sérieusement, moi, je vais juste nommer comme des hosties de tout croche, là. OK, là? Mais Jay Caulfield, qui a joué pour les Penguins de Pittsburgh, que ce gars-là, finalement, c'est un lineman au football qu'ils ont pris dans le hockey. Pour vrai, ouais. Puis c'est juste comme une crise de couille. Mais si tu joues dans NHL 94... Jake O'Field est dedans. Je connais à pas. À Pittsburgh. J'ai jamais entendu ce nom-là. T'as jamais vu ça? Non, rien. C'est un NHL 94. C'est allumé, c'est un NHL 94. Pareil, là. OK, check ça. Les Penguins de Pittsburgh, Jake O'Field, man. Ce gars-là, il n'y a personne qui est capable de foutre à terre. Ah, ouais, mais là, Mart, ce gars-là. Il va défoncer tout le monde. Et si tu fais une game avec des body checks. Ouais. Mart. Ce gars-là, là. Jake O'Field, c'est un mort. Ce gars-là, personne sait c'est qui, man. Mais non, personne sait c'est qui. Jake O'Field, c'est qui. Et moi, je suis à peine, c'est qui. C'est un gars, genre, si, sérieusement, je pense qu'il a fait du temps, là. Pour, Il a fait du temps? Wow. Okay. Toi, Jeff, t'as-tu un dos dans... Non, moi, j'ai rien choisi du tout. T'as rien choisi? Hey, dans Word, sérieusement, dans mes pays, pour vrai, à défensive, je te mettrais Ryan O'Byrne. Ryan O'Byrne aussi, qui a scoré trois fois dans son propre but en carrière. J'avoue. Ryan O'Byrne, le voleur de sa coche. On l'a tellement essayé. C'est fou comment est-ce qu'on a essayé O'Byrne. Ben, c'est malade. On lui a donné 1000 chances, puis aujourd'hui, on est zéro tolérant chez le Canadien avec des doutes. À cause de ça, OK, check bien ça. Voleur de sa coche. Il a été impliqué dans l'affaire de sa coche. Ouais. Il a scoré dans son but une back pass, genre pendant que son goaler était plus là, comme un bel épat. Pour il a scoré deux fois dans son net avec Colorado. Ah, il avec Colorado, il a scoré deux fois dans son net. Ah, ouais. Ça fait cinq fois. Il est terrible. Ah, c'est terrible, mais non, sérieusement. Tellement, c'est une catastrophe. Parce qu'à la fin, c'est qu'il y en a tellement de joueurs vraiment pourris. On prend pas les joueurs s'en rappelle. Ouais, on les voit pas les autres, là. On les voit plus parce qu'on s'en rappelle. Il y a Hugh Hollin. Il y a Paul DiPietro, à part avoir traité Patrick Watt de cocu dans la douche. Il y en a plein. Tout le temps des Patrick Traverse. Il y en a plein, pas juste à casser. Patrick Traverse, Brian Smolinski. Et Patrick Traverse, il m'a traversé des mauvais souvenirs. C'était après le lockout. Puis on avait acquis Radek Bong pendant le lockout. On avait été l'arraché. J'étais excité que l'hockey recommence. Je me dis, Chris, on a Radek Bong. Ben, il y a eu son utilité. Non, parce qu'il y avait une bonne run avec le sénateur. Puis il est arrivé Attends une minute. Là. Il y a eu son utilité, Radek Bong. Tout le monde il était a bon, eu un c'est mis au jeu en zone défensive. Tout le monde a eu un bonheur Radek Bong, puis on a tous la ballonne à l'essoufflé. C'était bon, c'est mis au jeu, that's it. Et on a plein de joueurs de même, puis on a pris comme qui était spécifiquement bon juste mais mis au jeu. Le dernier joueur, là, coréen ou je sais pas quoi. Là, Richard Park. Ouais, Park? Non, qui est venu à Montréal, qui était ce quatrième trio juste pour les mises au jeu, il jouait jamais. Il y avait un coréen qui jouait à Montréal? Non, c'est pas coréen. Un coréen? Un autre, là. Non, je sais qu'il se parle. Lui à qui t'as vendu à Casilla, qu'est-ce que c'est? Non, mais il était pas pire avec les autres. Tu sais, le gars, il a fait sa tuile dans la chambre de bain. Il était noir à moitié. Il t'en a parlé, il est allé te voir à ton magasin. T'as pris une photo avec. Un œil, là. Ouais, t'as pris le œil d'avoir. Ouais, Jeff, t'es capable. Le genre de. Le genre de. Dominique et Martin. Manny Malotra, c'est ça. That's it. Il est venu pour nous ça, c'était un one trick pony. Il était fin. Il avait de l'air cool. Ouais, il avait de l'air cool. Mais c'est pas un Coréen, mais c'est. Non, c'est un Tunisien. Il vient d'Afghanistan. Hein? Sa mère vient d'Afghanistan, sa grand-mère. Ah, non. Moi, je pense que c'est un Amérindien. T'es en train de m'enlever tes on saura jamais il est quoi. Fait que les gars, la parole est terminée, puis j'ai rien dit, on a juste divagué, puis la feuille est tout mouillée, dégueulasse. Fait que... Ben, gars, écoute, Dom, c'était cool, mais faut que tu reviennes. Ben, faut que tu reviennes à ce podcast. Là, je t'habitue. On t'a invité tout le temps, tu viens jamais. C'est con, Dom, merci, man. Yeah. Yeah. Oh. Là, je t'habitue. Mais là, il t'a dit à New York Media, fait que pas besoin de passer du F, fait que. Yeah. Hey, avant de commencer la prochaine période, on peut-tu se coller de la bière ici? Ouais, on va prendre un petit 2 minutes j'aimerais de pause. Non, pas de pause, mais j'aimerais une pinte de 50. Ouais, moi, j'ai besoin de 2 minutes. Ben, vas-y, parce qu'il faut. Parce que là, pour on le 3... comme Dave, je vais me sauver. Ah ouais, un autre Final Fantasy. Parce que pour le troisième invité, on a un petit setup à faire, il faut fermer les TV. Je veux un élixir. On fait ça tout de suite. OK, alors, on est de retour pour la troisième période. Et là, on a baissé les lumières un peu. On les rallume, mais... Oh, là, c'est les lumières fermées. Vous avez vu que là... Il y a des chandelles. Il y a des chandelles, il y a de l'encens. Des croix à l'envers. Des croix. Ça va être dark. C'est satanique. Il va avoir de la boucane. On va en remettre de la boucane. Ouais, on va de la boucane. Mettre de la boucane. Oh, ouais, continue. En v'là. C'est bon, ça. Parce que notre invité pour la troisième période... Il nous vient du podcast Boulevard Brutal. Oh yeah! Yeah! Yeah! Le numéro 666! Seb Brutal! Ah! Fuck yeah! Y a-tu des métalleux? Yeah! Ouais, Étienne, c'est un métalleux, c'est un vrai métalleux. Le métal est là, moi, okay, je me compte comme un métalleux, man, aussi. Fait que Seb, c'est quoi ton podcast, Boulevard Brutal, avant qu'on commence la période? Ouais, ben Boulevard Brutal, écoute, vous pouvez aller sur boulevardbrutal.com pour trouver plein de découvertes sur le métal. Il parle là, ça joue aux machines, mon gars, il n'y a pas de métalleux ici, tabarnak! Yeah! Ouais. Wouh! Tu parles tellement propre! Ouais, man, je parle propre. C'est important de parler propre. C'est vrai, ça. Mais moi, j'en ai un métalleux. Non, moi, je connais si métalleux, puis je peux juste vous dire de quoi. Moi, c'est le même, j'ai découvert la musique. Man, si vous voulez écouter un podcast de métal, whatever, qui va tourner autour de la musique métal, Boulevard Brutal, man, c'est la référence. Yeah, you like that shit. Yeah. Totally, man. Fait que Seb, t'es là pour nous présenter, dans le fond, les 4 scénarios de l'apocalypse pour le CH pour la saison qui s'en vient. Les 4 scénarios de l'apocalypse, c'est pas les 4 chevaliers de l'apocalypse. Les 4 scénarios de l'apocalypse. C'est même ça pas... peut mal virer, cette saison-là, OK? Tout le monde est positif. Fuck that shit. Ouais. Moi, j'en ai déjà un. Très noir, très doom, très death. Okay, Là, ça sent l'encens, puis j'ai mal à la tête en calice. Hey, t'as peur, c'est brutal. Avant, je veux juste te demander une question. Est-ce qu'il se cache un défunt partisan des Nordiques en toi? Ouais. Ouais, je suis un ancien partisan des Nordiques. Hashtag le partisan des Nordiques découvert. Ok. Mais c'est pas grave. Je suis pas en train de faire un Michel Villeneuve de moi-même ici. Mais j'ai pas une Fait qu'on va partir la période, puis Seb, on va y aller avec ton premier scénario. All right, on t'écoute, man. On t'écoute. Pour le premier sujet. Hey, juste te dire, là, Seb, ça se peut que tu sois le seul gars à soir qu'on va écouter. On va t'écouter. Toi, on t'écoute. On a vu les chandelles de l'encens, on va t'écouter. Toi, tabarnak, t'as sorti de l'encens, j'ai mal à la tête, je suis plus capable de parler. C'est parfait, ça. Premier scénario, OK, de l'apocalypse. Tout le monde est bien bandé sur Radio Love. Ça, c'est bien correct, OK? Yeah, bientôt, man. I am. Moi, je suis comme le Dungeon Master. Okay. Je vous donne un scénario, puis vous allez me résoudre ça. OK. Parfait. OK. Chacun notre tour. De façon assez concise, OK? Chacun notre tour. Oui, non, tout en même temps, je m'en calisse. Hey, man. On va un tour de tête. Hey, Seb, man. Je m'arrête de tes paroles, man. Come on. Check bien ça. Premier scénario. On est rendu le 8 novembre, OK? Il y a 12 matchs à jouer. Le CH est 6-5-1. Un! Radula va pas compter un crisse de but. Mm-hmm. On fait quoi avec ça? On l'échange! C'est le calice en Russie. Ben, sérieusement. Alors, OK, t'as peur. C'est trop Radula, tôt. Radula, t'as peur. Moi, je te break tout de suite, OK? Trop tôt. Radula va pas compter un but. Impossible. Il est positif. Là, ce gars-là est positif, mais c'est correct. Son scénario, c'est qu'elle n'a pas compté. OK, si Radula va pas un but, what do you do? Genre 10 passes. Non, non. Il n'y a pas un but. Non, non, il n'y a pas un but. Là, le Sam met ton autorité parce que là, il change ton scénario. Le scénario, c'est qu'il n'y a pas de but, Carlis. On s'en fout des paroles. Il n'y a pas de but. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu fais? La douche dans le zéro. Qu'est-ce que tu fais? Hey, t'es coach, c'est DJ. Qu'est-ce que tu fais? Ça va direct à Bergevin, man. Parce qu'on s'entend. Radulov, là. Radulov, la Radulov, c'est une carte cachée. Tout le monde dit, ouais, si là, il score beaucoup, ça va être le meilleur coup de. Mais Chris, le CH, pareil, là, dans les 10 dernières années, mon gars, c'est 15e en descendant d'un but compté. Ouais, mais attends, attends. Ça, c'est on pas fait quoi si Radulov compte pas? On l'échange, on va chercher un autre. Ouais, ben, ouais. Si Radu compte pas, man, on ça tombe balatage. Directement dans les mains du DG, man. Ça va commencer okay, par Perrier, parfait. Puis qu'est-ce que tu fais? Ça incombe toi, t'es le DG, qu'est-ce que tu fais? Mais ça passe dans les mains de Pacho et ah, tout. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? On l'échange, on garde, on l'envoie au balatage. Qu'est-ce qu'on fait? Tu peux pas le trader. OK, on s'entend qu'on peut pas le trader. OK, les gars. Peux-tu parler? Ouais, les gars, merci. Tour de table de vos solutions. Tour de table! On commence par JF. Vas-y, JF. On fait comme Semen, on le calisse dehors, on le retourne en Russie tout simplement. Là, pourquoi qu'on gaspérait 5 millions sa masse salariale? Ouais, mais il compte tout de long. Tu mets dehors tout simplement parce que ça paraît pas sa masse salariale. Ben non, tu peux pas faire ça. Ben oui, on l'a fait avec Semen. Come on, man! Yeah, but you have to accept it. Je vais accepter un certain. Non, non, ça veut pas dire qu'Aradulin va dire OK, c'est beau. Ben non, man, si tu te fais pas dehors. Lui, il veut revenir dans le national après qu'on dit fuck ton you. Boss te dit t'es dehors. Non. Ah, oh, ben Alex, là, Collis, c'est le choix à JF. Je veux entendre l'opinion à JF seulement. Il est dehors. Tu colles ça dehors, coupé dans le cul, bon. ST, puis tu l'envoies en bateau, Alex, man. JF, le Collis dehors. Alex, qu'est-ce que tu fais? Alex, si tu réponds. Vos gueules de secondes. On n'est pas capable de faire ça. On veut ton os. C'est Captain Bassin. On va passer ton tour, Alex, tu réponds pas. Parce que c'est un chien. Moi, je l'avoue, ce gars-là est supposé t'en donner. Tu fais quoi avec ça? Tu vas t'en chercher un autre. On est juste le 12 avant, je vais être un peu plus patient. OK. Plus patient. Le gars nous donne un scénario. On veut. Hey, je viens de répondre. On est 12 avant. Je vais être plus patient. Bon, lui, patient. Dave, c'est quoi ta solution, toi? C'est la douche dans la mythe. Selon les chiffres que t'as donnés. Moi, je focus sur le 1. Le 1 est important. Oui. Défaite en prolongation. Oui. Je donne du temps. fait que t'es patient. Merci. Mark, qu'est-ce que tu fais? Radulov, sérieusement. Si non, jamais... non, on est 12 novembre, il n'y a pas ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu fais? Ta gueule, esti! Non, je divague pas, man. Radulov, man. Je veux pas d'autres scénarios qui remplissent le net, man. Anyway, man. Je comprends qu'est-ce que tu dis, mais je veux dire, Radulov, man, il va juste scorer, man, ou il va là, alimenter, il man. Il va compter avec ses dents, tabarnak. Ben, écoute, c'est le scénario que tout le monde espère. C'est ce qui va arriver. Mais dans la vision du death metal, puis écoute du bien ça, ouais. C'est pas ça qui va se passer. La vision du death metal. Yeah. I love that. OK, sérieusement, si jamais Radulov, il paye pas, là, par ses points, comme qu'il devrait faire, là, ça s'en va directement dans la cour de Bergevin, man. OK, mais la cour des grands. Ça s'en va directement dans la haute hiérarchie, ça va faire mal, puis ça va pincer solide dans le tabarnak. La barbe trois couleurs, Bergevin. Comment? La barbe trois couleurs à Bergevin. Ouais, absolument. Ça va fesser direct là, parce qu'il a pas été capable de signer un gars. Il a été capable de ramasser Radulov. Il va chercher qui? Il faut qu'il le remplace. Non, il remplacera pas à ce temps-là de la Il remplacera pas. Il est pogné. Il est pogné. Il est rendu au joueur autonome. Trop tôt. Il est rendu au joueur autonome. Tu peux prendre un gars de la Ligue. Il est dans c'est bon. Hey, Seb, le signe de Boucan te spécifie qu'on arrive à ton deuxième sujet d'apocalypse. Deuxième scénario catastrophe. Hey, avant de passer au deuxième, ça c'est un esti de bon, c'est un bon lien, ok, parce que avant de venir ici, je me suis dit ces gars-là sont smart, ils m'invitent, faut que je leur abette un cadeau d'hôtesse. J'ai un cadeau pour vous autres, ok. Hey, c'est à Arcade Montréal, faut que tu donnes le cadeau d'hôtesse. Ça fait un bout que je le garde. Tout le monde se dit, Chris, Pacioretty, c'est un esti, il n'y a pas de cœur. C'est une équipe ça. Qui est molle. Pacioretty, c'est mou comme de la merde. Non, mais c'est vrai. Et ça aurait été dit. À un moment donné, je me promenais au centre-ville de Montréal. À un moment donné, j'arrive dans une ruelle. J'ai peur. Je trouve une boîte de parfum Paco Rabanne. Puis une étiquette de lunettes sunglassotte. Oh, man. À côté de ça, il y avait une petite affaire rosace. Ceux qui disent que Pacioretty a pas de cœur, c'est vrai. Mais encore sur un mugger. Parce qu'il est le cœur de Pacioretty. Holy fucking shit, man. Holy fuck. On l'a, le cœur de Pacio. C'est tabarnak, là, man. C'est pour ça qu'il joue mal. Man. Il l'a perdu dans une ruelle. Tabarnak, fait que je voulais vous l'offrir, les boys. On va le prendre, Chris, sur la table, là. On va le baisser sur la table, OK? C'est un vrai cœur. Le cœur à Pacio. Hey, esti. Tabarnak. Wow. Docs. Hey les gars, c'est tout mal que j'ai peint. OK, mais back. Attends un peu. Oui. C'est pas un coquillage, Dave. Mets-les dedans. Mais il y a du PC. Vous avez vu que j'avais mis ça dans un petit conso de McDonald's, hein? Un trio Gallagher, un gars qui a du cœur. Ça c'est métal en tabarnak. Ouais. Yes. Fait que ton deuxième scénario, hey, Seb, c'est quoi? Ce gars-là. Hey. Il était en train de voler le show, mon tabarnak! T'étais pas en feu, toi! On l'aurait pas en feu, man! Ben écoute! Damn. Invitez-moi plus souvent! On n'aura pas le choix! Yeah. Hey, stupio, ça! Tu vas donner un produit, Young Media! Ben, c'est Pacioretty, c'est qu'est-ce qu'il mange, man! C'est un cœur sans gluten, ça? Ouais, il va-tu battre? Ok, Dave, arrête de fourrer le cœur, s'il te plaît! Fait que c'est quoi ton scénario numéro 2? Ok, le scénario numéro 2, les boys! C'est le CH est à Tampa pour son traditionnel voyage en Floride. Au mois de décembre, à fin décembre. Il y a le mangeur de marde de Michel Villeneuve qui sort sa deuxième histoire. Tu sais, il dit qu'il y a une deuxième histoire, là. Tu sais, il a sorti ouais, il y a un scoop. Il meilleur que la première. Il y en a une deuxième. Il a sort, mon gars, le 28 décembre. Avant la pause. Son histoire, c'est que pourquoi que Piqué Souben a été changé, c'est que Piqué Souben avait commencé une relation avec la fille à Darien. Oh! T'es allé chercher ça loin, dude. C'est très possible. Piqué Souben est gay. La fille? Michel? Non, mais la fille à Darien. Elle a un début vingtaine. Avec qui? Avec Souben. Piqué Souben. Souban, il est long gone, sti. Ça pourrait être possible. Dude. Michel Therrien a voulu l'avoir à Piqué Souban, il y a un condo dans... Là, on a les mêmes en injection. Piqué Souban, il y a un condo dans Vieux Montréal. D'après moi, Souban préfère comparer la longueur de sa quéquette avec d'autres gars que d'avoir c'est une blonde. C'est ça, exactement, merci. Mais écoute, je vais dire ça de même. On dit pas ça en mal, mais Piqué Souban, c'est un condo dans Vieux Montréal. Il y a une chambre dédiée à sa mode. Le seul autre gars que je connais de même, c'est mon oncle qui est gay. Puis Piqué Souben est gay. Il y a un manteau en bois! Il a jamais été vu avec une fille à Montréal! Alex, il va dans la vie personnelle. Il a jamais été vu avec une fille à Montréal. Tu drops ça ici, toi, là? I will. Souben, il y a un manteau mauve avec du poil. C'est pas à cause de la façon qu'il s'habille, mais moi, je pense vraiment... Je dis pas que... On l'a jamais vu avec une fille dans n'importe quel... Il mange toujours avec des amis au restaurant, dans n'importe quel show. Il est jamais avec une fille. Fait que la fille, elle t'a rien gay. Non. Mais mettons que la fille, je dis que c'est pas vrai. Souben est gay, mais who gives a fuck? C'est même pas pour ça que ça fait des changer. Nobody cares, ça c'est sa vie personnelle. Je dis juste que c'est non, pas non, mais le point est, admettons qu'on apprend que Michel Therrien, là, s'est arrangé pour le sortir de Montréal pour une raison personnelle plus que hockey. Mais tu penses-tu qu'il aurait passé par-dessus Bergevin et puis Mawson? Il se passera rien parce que Bergevin le back trop. Non, mais l'affaire aussi, à c'est, cause Michel, de lui, c'est Michel Villeneuve aussi. Oui, c'est un nasty fucking. C'est mange une marde. Michel Villeneuve n'est pas capable de faire la job à personne en ce moment, à part la. À part Marc qui l'aime au bout. Marc, vas-y, défends-le. C'est ça. Mais Michel Villeneuve, défends-le, là. Ah, hey, Michel Villeneuve, sérieusement, sa version de l'histoire, je veux la savoir. Je veux la savoir que Therrien aussi pense que son capitaine, c'est le pire capitaine de l'histoire. Je veux le savoir, Colis. Dis-moi les man. Parle-moi Michel Villeneuve et Jean-Charles Lajoie au 91.9 parce que Jean-Charles traite Michel Villeneuve de mange-marde. Non, mais là, c'est oui. Ouais, mais Villeneuve, c'est meilleur que le cœur à Pacioretty. Mais on dit que Villeneuve, là, il avait comme quitté son emploi. Non, qu'il avait sacré dehors Villeneuve. Mais c'est Villeneuve qui a collé son camp de 91-9 ouais, en premier. Ouais, exact. Ça, c'est entendu, cette affaire-là? Ben, écoute, lui, faux. Michel Villeneuve, il a pris sa retraite en 2015, je pense. Il a pris sa retraite en 2015. Mais lui, là, Militaire retraite, dans le fond. Quelqu'un qui faisait ça pour 99, aussi, ouais, faisait ça comme un part-time job. Ben, il y a un livre qui est les coulisses de 110%. Ça a l'air qu'un chapitre exclusivement sur Michel Villeneuve. Moi, t'as parlé des nouvelles. Puis c'est quoi que ça dit? Le créateur. C'est quoi ça dit, ce livre-là? Ça a l'air que Michel Villeneuve, c'est le pire mangemarde de sa terre. Je te le confirme. Le gars qui te backstab, qui te met on the spot, direct on air. C'est un gars que j'ai jamais aimé. Mais qu'il est dans le temps, CKC ou 98.5, quand il faisait ses appels, mon gars, c'est le gars qui respecte tellement pas personne. Non, mais c'est un esti. Non, t'as peu. Michel Villeneuve, je pense que c'est un journaliste qui est comme, il est legit, mais l'affaire qui arrive... Il est pas legit. Non, l'affaire, no, c'est que no. ça avait l'air de règlement de compte, genre, contre Terrien, man, carrément. C'est genre vouloir tuer Terrien, man, à backstabber, man, carrément. On a l'impression qu'il y avait un projet sur lui. Ouais, c'est vrai de ça. Ça a l'air c'était en plus... coulé Michel Terrien, on dirait. Ça a l'air qu'il y a un livre aussi qui se fait sur les dessous de la soirée du podcast en ce moment. Ouais. Stay tuned. Ouais, puis... Mais là, Alex, on a divagué sur le cœur de Pajou, fait qu'on va aller sur ton troisième sujet. Seb. Troisième sujet, allons-y. Là, vous le sentez, hein? Ah, là, il voilà. y en a qui jouent aux machines, ils le sentent pas pantoute. Ah, eux autres, sont en calice, ils sont comme. C'est qui eux autres qui gueulent dans les micros, vous là? Vous devriez le sentir. Je peux juste jouer à mon compte. Ils sentent pas, man, ils sentent pas, j'en partirai à track, sérieusement, man. Ah, j'aurais dû faire mariner le cœur un peu plus longtemps. En sorcelle, man, en sorcelle, man. Dans un show de Watain. Ta marinade manque de vinaigre. Fait que troisième scénario apocalyptique. OK, mon troisième scénario, OK, le 3 janvier. Le CH va rencontrer les prédateurs pour la première fois. Oh, tabarnak! Attends, j'ai manqué ça. On va rencontrer le 3 janvier prochain. On va s'en coller, parce le que. Le CH va rencontrer les prédateurs pour la première fois. Ouais. OK, check bien ça. Piqué Souban, part dans l'arrière de son net. Il fait un hostie de montée de Mongol comme il est capable. Puis score. Chez Weber, l'accroche. Il fonce dans Carey Price. Bill blesse. Price a blesse. Il blesse! Tu vas chercher ça. Okay, hey, ben ça c'est une série de circonstances. Souban blesse Carey Price? Oui. Oh fucking way. OK, fait que... des amis. Fait que très possible, les boys, avec une montée énergique. Ça se peut. Ça se peut. Hein, comment? C'est très possible. OK, ouais, toi, c'est Souban ton soir. Non, mais le point, c'est on perd Price. On perd Price la saison encore. Le 3 janvier. On fait quoi? OK, à mi-saison, complètement. On trade. Hey, on trade tout de suite. Tabarnak! On a Aldo Montoya! Ouais, on a gagné contre les Browns hier! Les gars, all right. Hey, sérieusement, man. C'est brutal. T'es un esti motherfucker, man, de mettre ces esti d'options-là dans notre tête. C'est même. L'apocalypse, de fans, sérieusement. T'es allé au plus bas possible. On a fou calé, man. Oubliez pas qu'il reste un scénario. Bravo, man. Props, man. Shout out, man, aussi à... C'est brutal, man, qui amène des hosties. C'est dépendé, c'est brutal, hey, toi. Chris, man. C'est dégueulasse, ce scénario-là qui amène, OK? Sérieusement, okay, il amène ça. Les gars. Sérieusement, c'est comme la pay call list de shit que tu peux pas amener. Après ça, s'il arrive ça, sérieusement, si Souban sera à Price sans avoir rencontré Weber... Fait que les gars, tour de table a commencé par okay. Mallette. T'as-tu une petite Price? Si on paye Price le 3 janvier. Price se blesse, qu'est-ce qu'on je fait? Écoutez, la série Unité 9 au complet, man. Je décroche. Je décroche. Chris, si on paye Price, on est fuck all. Même Bergevin l'a admis en conférence de presse. Non, mais l'année passée, on a fait le pari d'y aller. Mais il y avait une affaire, par exemple. On se disait, il va revenir. On est allé avec Condon. Le 3 janvier, ouais, mais Condon, on fait au début, une transaction pour aller chercher un Bishop ou quelqu'un d'autre. Mais cette année, bon, OK, on va aller à moi. Ouais, vas-y, Alex. Fait que moi, cette année, oui, on n'a pas le choix. T'as on fait une transaction. Est-ce que tu as dit que Condon était l'année passée, ils ont pris un gamble. Au début, ça payait avec Condon. Avant Noël, ça payait. Il était bon, Condon. Après ça, ça a tombé. C'est mon temps d'antenne. Ouais, five games. Après ça, OK. Mais après ça, on a perdu, fait que cette année, il va falloir bouger. On a Let's go, Aldo! On ramène à chèque, esti. On a Aldo! C'est bien ça, moi, juste la solution. C'est que Souban y arrive pour faire Justin ce fucking shit-là, man, esti, envers Price ou whatever. Esti, j'ai perdu ma mousse! Le plan machiavélique, esti, que t'aurais en tête. Le plan le plus sombre. Mark. Sérieusement, Weberman va s'occuper de Subban solide. Okay, ben, c'est pas ça le scénario. Si Subban ose défier la ligne bleue, man, oublie ça, mais he's done. Si Price est blessé, qu'est-ce que tu fais? Price est out le 3 janvier. Price est out. Qu'est-ce que tu fais? On repasse-tu par la même affaire que l'année passée avec des Condon, Montoya, on a Aldo Montoya. Ouais, on a Montoya, puis on va avoir... Non, mais une deuxième saison avec un deuxième goaler, tu peux pas te permettre ça. Ça marchera pas, là, pour rien. Montoya! Montoya! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse rendu là, anyway? Fait qu'on y va avec Montoya. Ok, attends un peu! T'es un petit prophète de malheur, hey, mon gars, là, sérieux. Je revire la question au prophète. Ouais, ok. Tu fais quoi? Ouais, toi, tu fais parce quoi? Parce que monsieur nous amène des scénarios. Ouais, c'est on the spot now. From hell, esti. Mais toi, tu fais quoi? T'es un hostie de prophète moi, de malheur. À part, parce que Moutou, j'étais un fan des Nordiques, mais à part ramener Nordiques, tu fais quoi, si Price est blessé? T'es un hostile prophète de malheur. Moi, en fait, là, si le 3 janvier, mi-saison, on perd Carey Price, il n'est pas question de repasser par la même affaire que l'année passée. Pis d'être, il n'est pas question. On pas fait question. Une transaction, puis on va chercher un goaler. Ah ouais, goaler numéro 1. On n'a pas le choix. T'auras rien à ce temps-là de l'année. Ben, ça dépend. Ça dépend du profil. Moi, je l'ai nommé Bishop tantôt. OK. Bishop pourrait être disponible. Il joue autonome. Alak est disponible. Thomas Greisch est disponible. Alak, non. Alak! Wow! On dit ça des noms, mais pas d'argent. Calmez-vous, là. Jeff Chaser, il y a un arrêt stop marqué Alak dessus. OK, qui trade pour aller chercher? Attendez une minute, là. Qui c'est qui trade pour aller chercher Bishop? Ben, sans l'air que Tampa Bay était bien intéressé par le cœur à Pacioretty. Ah ouais, le gars fait qui joue comme la merde. Fait que tu traiterais Pacioretty pour Bishop pour remplacer Price par Werner? Ça dépend où est-ce que... Non, mais attends. Ben, Tampa Bay, Bishop, part de là, c'est ça. Ça dépend où est-ce que t'es rendu dans ta saison. Si t'es bien placé le 3 janvier... Si t'es une bonne saison... Écoute! Pour la coupe de l'année! Ou maintenant, tu fais une croix sa saison pis tu dis... Je suis ton capitaine, man! Ben, ton capitaine, tabarnak! I'm just saying! Hey! Non, mais tu sais que, OK, nous autres, on est tous sains ici, là, d'esprit, là. Mais les journalistes montréalais puis la foule montréalaise vont tous capoter. On a tradé notre capitaine contre un goaler à cause que Price est blessé. Notre capitaine! Notre capitaine! Je suis tout à fait d'accord. Mais vous savez comment que les médias vont capoter? Fuck les médias! On s'en calisse des médias! Fuck you! Oui, mais le monde en général s'en calisse pas. Pas le monde en général qui Fuck that shit, man! Wow, combien que de coachs à Montréal se sont fait considérer à cause des médias? Pas d'accord. Plein, man! Pas d'accord. Plein! Ben, c'est pour ça. Non, mais les médias ont un gros rôle à Montréal. Fait qu'on va aller après sur le quatrième scénario. Quatrième scénario, l'apocalypse. Quatrième scénario! Fuck that shit, man! Nosferatus! J'en ai. Alright! Shit! L'image de Weber. Là, on s'en va plus loin un peu. On est rendu dans le tour. Bon. Shit! Regarde-moi ça, s'il est beau, ce gars-là. Ce gars-là a la face d'un gars qui va pas te laisser passer en avant de Carey, esti. Quatre! Il y en a quatre, man! Ce gars-là, il a tellement l'air meilleur que Subban. OK, les gars. Scénario numéro 4. OK, scénario numéro 4. On est pareil. On est le 12 février. OK, Canadiens Bruins. C'est un match pour hommes. Un vrai. Vous savez, c'est quoi un match pour hommes? Ben oui, certain, man. C'est pas pour des femmes. Ceux qui ne savent pas, sortez, s'il vous plaît. OK. Là, il y a Shea Weber, man, qui est pogné pour se battre contre Chara. Il joue fait, pour man, les Blues. Il collait pas, sérieusement. Weber est pète la gueule. Il fait, mais il sort avec une commotion cérébrale. No fucking way, man. Non, Chara, il fait ça comme ça. Non, là, arrêtez. Vous avez pas le droit de défaire ces scénarios. Son scénario, c'est que... OK, fait que il sort une avec une commotion cérébrale, OK. Non, mais attention, OK? OK, he's out. On a Shea Weber qui est out le 12 février. He's out. On n'a pas pour les séries. Oubliez le plus, plus fort, whatever. Là, on fait quoi avec notre défenseur numéro 1 qui est out? Oh, il connaisse la salle leader. Manette en face, on commence par Mallette. Le cœur à Patio, est-ce Dave, ta gueule! Laisse Mallette aller. Si je vais être normal, je dirais je vais donner la chance aux jeunes. Pour prendre sa place. Mettons Sergachev. Mais si ça arrive, là, c'est sûr et certain que moi, je descends à Boston puis je vais me conseiller à la Chara. Là. Chris, une commotion cérébrale pendant une bataille. Chara, il a passé, il a conseillé la Pacho à un moment donné, 3-4 ans, là, sa bande. Si Chara fait ça encore, là, je vais y péter à la gueule. Hey, mon micro, il est pas fort, man. What the fuck? Non, non, non. Regarde, si ça arrive, t'as pas le choix de donner la chance aux jeunes, mais si ça arrive, là, Chara, oublie ça, là, je vais y péter à la gueule solide. Ou il faut que ça suspendu à vie, man. Mais t'as allez, boys, t'as allez, boys. Ta perte de chez Weber, rendu au mois de février, tu fais quoi avec ça? Si Weber est blessé au mois de février, t'es dans la merde. Faut que t'aies cherché un défenseur à date limite. Non, t'es dans la merde. Vis d'un rêve, t'as calice, là. Parce que l'idée là-dedans, là, c'est pas de savoir... Qu'est-ce que tu dis? Non! Non, tu fais pas ça, man! Tu fais pas ça! Je sais, je te croyais parce que je suis chaud. Non, mais chez Weber va être important pour le CH. Ouais, ouais. Ouais, Sergachev est déjà là. Il est là, il est, tout le monde est là, Petri est là. Sergachev est là, right? Hey, brutal Alex, d'amène Alex, comme qu'est-ce des enfants. Chez Weber se blesse, qu'est-ce que tu fais? Sergachev est pas là parce qu'il est pas prêt. Weber se blesse. Redman est peut-être là, Weber, en tout cas, whatever, man. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu continues? C'est rappel Bad Berio. Non, non, tu connais, rappel Bad Berio. You just go with the flow, hostie. Y'a rien à faire, man. Comme perdre ton meilleur défenseur avec Subban. Si Weber, man, là, sérieusement, là, il flanche. Là, ouais, ouais, mais si ça va faire perdre les séries. Attends, mais c'est ça qui va faire perdre les séries. Je pogne un fucking Weavers, man. C'est ça qui va faire perdre les séries. Et puis il va tout lâcher les calices de Shara, man. Fuck that shit, man. Ouais, mais il reste juste Dave. Dave, qu'est-ce que tu fais si Weber se blesse? Qui mange la merde. Ben, ça fera pas perdre les séries, Mark. Exactement. C'est pas un joueur essentiel. C'est ton peut-être troisième joueur essentiel. C'est quoi tes choix, joueur? C'est pas ton joueur de concession, c'est Price ton joueur de concession. Mais ton joueur de concession, il est blessé, man. T'es dans la marde. OK, t'es dans la marde. Mais t'es pas si dans la marde de prendre le Price. Alex, man, ouais, mais ça, c'est comme l'année passée quand ils ont perdu Price. On dit, ben, on est dans la marde. Price, Alex. Un goaler, c'est pas pareil qu'un défenseur. Alex, c'est sûr, Alex, t'as besoin de vacances, man, OK? Mais non. T'as besoin de vacances. Toi, t'as besoin. Prends pas un épisode au port, man. You suck, man. Okay? Pour de vrai, c'est pas. Man, pour de vrai, c'est pas un enjeu. Non, y a pas un nom qui vous vient en tête pour remplacer Weber. Hey, sérieusement. Pour moi, sérieusement. Mais tu remplaces un nom des mineurs, tu parles. Props, c'est assez brutal, man. Tu sais qu'il y a une fois de la mort d'ici. Hey, voyons donc. Mark, t'arrêtes d'être bandé sur Seb. On veut savoir ce qu'il a à dire. Non, mais ce gars-là, Weber, si on le perd au mois de février, puis que le Canadien se remet à lancer. Ça veut rien dire. On est déjà dans les séries si on perd au mois de février. Ouais. Presque. Fait qu'on mise tout sur Petrie, Redman. That fucking right. Petri, Markov, man, toute la gang, c'est pas Weber qui fait la défensive du Canadien rendu là. Ouais, là. Mais s'il joue comme c'était pas Subban. C'est important. Non, non, c'est un. Non. Pour ouais, mais attends, ouais. Non, ouais. Vous misez trop sur un sauveur, là. Non, mais Weber là, l'année prochaine, là, on espère au moins 15-20 buts de lui. Ouais, facile, de Weber? Ouais. Ben oui. Mais ben c'est oui. Pas, ça m'importe pas. C'est le moins que tu peux attendre de lui, sérieusement. Avec la grenade que, genre. On est rendu au mois de février, là. On n'est pas au mois d'octobre, novembre, décembre. Mois de février. Sauf que, est-ce que le Canadien. Il m'a déjà donné 10 buts. Est-ce que le Canadien est prêt à perdre une autre saison, considérant que Price. Wow. Ton joueur autonome. Non, mais tu sais, je veux dire. Mais là, tu dis qu'à cause qu'on perd Weber, on perd une saison. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné. Ben, c'est wow! À un moment donné, c'est il va falloir qu'il c'est un joueur sur 23. Le Price, à un moment donné, il tombe joueur oui, autonome sans compensation. Ouais, on l'a signé, ça. Il est mieux pour une raison. Fait, bref, on est au mois de février. Mais si cette année, ils ont perdu Weber. On dérape dans le futur. On est au mois de février l'année prochaine. Bref, le Weber se blesse, on est dans la marde. On fait rien. On fait rien. On ramène un gars des mineurs. On fait rien. On fait rien. Honnêtement, là. Sérieux, si Weber se blesse, c'est plate à dire, mais le Canadien n'a pas grand c'est move pas à Weber. Faire. Attends, le Canadien n'a pas de move à faire. Tu vas chercher genre tes jeunes. Tu montes tes jeunes. Tes essais, puis Chris, tu fais des essais erreurs. Puis tu compenses par Markov. Ouais, mais t'es pogné avec la shit comme toi, même. Même si t'échanges, tu vas pas changer la dynamique parce que t'as pas... Tu iras pas chercher un Weber en échange. Oh, mais c'est anyway, exactement, je suis d'accord avec toi. Weber, c'est pas ton pivot de ton équipe. C'est Price. Price fait que tu gagnes ou tu perds. Ah, mais si Price se baisse, on s'en colle. On est dans le fucking shit. C'est pilier numéro 2, pas pilier numéro 1. Puis même là, pilier numéro 2, on sait pas, on va voir. vient de la police de Mars. Ça fait statu quo, on fait rien. Statu quo, on fait rien. Ben non, mais ça, ouais, c'est américain. Non, statu quo, j'allais dans le cul, on n'est pas le statu quo, Dave. C'est le Canadien, c'est le statu quo. On va se magasiner des beaux bons. Le monde va chialer, Bergevin va vouloir le mettre des honds, puis c'est ça qui va arriver. Fait que c'était les quatre scénarios de l'apocalypse de Seb Brutal. Ben merci Seb pour ces quatre visions de l'enfer. J'espère que ça va mal aller, Calis. On va te mettre ton image de outro pour ta musique pour sortir d'ailleurs. Et pour sortir en beauté. Et sur voilà. Marc Bergevin, sa barbe trois couleurs. Fait qu'il nous reste deux petits trucs pour terminer le podcast. Dans le fond, on avait un open mic. Est-ce qu'il y a des gens dans la foule qui auraient des commentaires à faire sur le CH? Si vous voulez dire de la merde, c'est le temps. C'est là, c'est maintenant. Amenez-vous à la place de Seth. Open le mic, pour n'importe qui. Come on! Qui vient game? N'importe qui. Hey, ça n'en prend un! Ça n'en prend un qui ouvre la balle pour aller partir. Bonnet de Divan Quest va venir nous plugger quelque chose. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On l'accueille, merci. Donc, on a une question. Oui. Ben, j'en aurais plus à dire ces scénarios qu'on vient d'être présentés, là. Mais, on est peut-être un petit peu rapide à crisser Terrien en dessous de l'autobus, tu sais. Ben, il est dû, tu sais. Non, sure, mais... Moi, je suis d'accord avec toi. Continue. Moi, je suis d'accord. Je suis pas un gros fan de Terrien. Descends du stage. Fucking, je suis pas un gros fan de Terrien, là, mais. Ben, personne n'est un gros fan de Terrien, si je pense, là. Bon, on a tout réglé, là. La saison n'est pas encore commencée, tu sais. Il y a la chance de se péter à gueule. On pourrait y donner. Oui, je suis d'accord. Tu sais. Laissons-le se planter avant d'aller pisser. Si réussit, qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu de lawyer, right? On le garde. Est-ce qu'il est sorti du boss, mettons, qu'il réussit? Non, qu'il réussit à... Si la saison va bien, t'as pas le choix de le garder. Son contrat, il y a encore au moins un S. Non, il reste 3 ans. C'est un style gros boss, là, c'est genre un Greyhound, là, tout stripé canadien. Là. Ben écoute, s'il survit aux 12 roues, mettons, de l'autobus, ben on a Kirk Muller. D'autres, ben, il fera jamais. Il parle juste anglais. Est-ce que le Québec est prêt? Ah bon! C'est pas moi! Embarque pas sur Muller et le français, ça, on finira plus. Le Québec est prêt. C'est le fucking journaliste qui fait le français. Non, mais ça va leur faire de quoi parler pendant 2 semaines. Randy Carver. Ça dépend. Quand tu t'appelles Philippe Quentin, tu peux parler pendant 1 an. Ouais. Oui, mais personne t'écoute. Il y a bien du monde qui écoute Philippe Quentin à 98. Voilà. Mais qui continue à l'écouter. Qui appelle Shea Shaw Weber. Shaw Weber. C'est un excellent point. Merci beaucoup du commentaire. J'en ai dit ça à quelqu'un d'autre. Parfait. Good. Bon, yeah! Un excellent poulain. OK, ça n'en prend. Come on, on embarque. Ouais. Mais s'il n'y a pas d'autre... Alors, notre super fan, Mathieu Gélina. Okay. D'ailleurs, Le seul gars qui est venu nous voir au GeekFest. Le seul gars qui est venu nous voir 2 fois live, Mathieu Gélina, c'est-tu? Ah ouais! D'ailleurs, les gars, d'ailleurs, on vous invite à aller sur notre Facebook et checker le drinking game de la soirée du podcast pour la saison. C'est lui qui l'a créé. Merci, Mathieu. Il sent bon. Si à soir, tout le monde avait suivi le drinking game, on serait tout à m'appéter, man. Plus que nous autres. Comment est-il? Ton commentaire, Mathieu. Pointe le cœur. Laissez parler, toi. Merci. Point. Touche pas à la salmonelle. Touche-y, Mathieu. Touche-y. Je pense que j'ai pas gagné la salmonelle, moi. Oh, yachi. OK. Vas-y, Mathieu, ton commentaire. Oui, ben en fait, ça va être une tradition de coller autre Marc Bergevin. Marc Bergevin. T'es où, Marc? T'as fait des bons moves, là, avec Radu et chez Weber. Mais historiquement, tu as des astuces de moves de la merde. Là, tu vas être dû. Wow. Fait que je te call out, mon esti. Good! Good. Une autre personne. Ouais, vas-y, tu peux y aller pour un double call out. Maxime Paiement, je te call out. Oh! Ouais! Ton hostie de Corsi, là, c'est tout ce que tu fais. Oh, mais t'as eu le guts de le faire, j'adore. Oh, et la seule qui l'a name droppé. Thank you! C'est la seule qui l'a même droppé sur le show. Attends, c'est pas nous autres qui l'a dit. Hey, on a droit, on a droit à présenter un Call of Hug. Fais-moi un podcast sur Red 2 Callis. Yeah. Yeah, merci Mathieu. Fucking love it. All right. Fait que pour conclure ce podcast, épisode numéro 50. Ouais, je suis en train de te schooler pas ouais, mal. Ouais, fait que je pense qu'on va te remplacer par il reste, il reste un truc à faire, puis c'est le call-out officiel de l'épisode. Puis c'est JF Mallette qui va le faire. Alors JF, vas-y, Mallette. Voici la toune du call-out. Le voici, le call-out de l'épisode. Michel Villeneuve. Oh! Michel! Non, non, ça on le sait, là. Michel, mon gros Chris de tabarnak, non seulement t'inventes des histoires, mais en plus de ça, t'es traité de diva dans les coulisses de TQS. Le monde veut même pas que tu sois là pendant qu'eux autres sont présents. C'est parce que t'as une grande gueule. En plus de ça, ton look de pas de bas avec des mocassins, là, c'est lait en tabarnak. Miami Vice, pas pour toi, mon premièrement, OK? Tes chemises, là, en couleur pastel, on s'en calisse. En plus de ça, t'inventes des histoires sur Pacho, OK? Des gars chauds qui parlent de hockey, là, c'est pas crédible. Oh, oui. OK, on recule en arrière, on recule on en arrière. On est pas payé pour nous autres. C'est vrai, un bon point. Ton boss t'a donné une chance de donner ta source. T'en avais 8, tu l'as dit à la radio. Non seulement tu pars des rumeurs dans la radio de Mauricie, mais là on dit, OK, t'as un scoop le 7, tu veux pas le dire tout de suite, mais tu veux le dire dans une semaine quand on revient de vacances. Premièrement, dans le film Spotlight, là, ils disent, quand t'as un scoop, tu le dis tout de suite, t'attends pas une semaine, tabarnak, t'entends-tu que Réjean Tremblay, esti, t'écris ton scénario, esti, t'as pas rien compris dans le scoop, tabarnak, avec Roi Dupuis pis Macha Grenon. Là, là, un moment donné, là, t'aurais pu donner au moins un des 8 noms, esti. OK, ben premièrement, là, peut-être qu'il parlait d'autre chose, on s'en calisse. Alors, Michel Villeneuve, mon ami... Ton ami. Là, tu vas aller dire de la main dans un autre podcast compétitif à nous autres qui parle même pas de hockey. L'animateur parle en franglais de marde. Il part des scoops de marde parce que l'autre, il va boire une bière dans un bar au Fly Gin. On s'en calisse. Tu parles-tu de 25 Stanley, là? Ben oui, avec JT Utah. JT Utah, ton manteau de fourrure, il est là en tabarnak. On sait bien que c'est V qui a payé ton estime manteau. Alors, Michel Villeneuve, juste une chose à dire, mon chum. Michel Villeneuve, moi, le sac, esti. Ah ouais, il est drette là, il t'attend, man. Esti, reste chez vous à retraite, on s'en calisse. Personne t'aime. Reste chez vous. Fuck you, man. Excellent. Kiss my ass, motherfucker. Bravo GF, un excellent bon call-out. Un ouais. Bon call-out. Sors-moi mon micro. Et c'est le call-out qui met fin au podcast numéro 50 de la soirée du podcast en direct d'Arcane Montréal. Yeah. Merci tout le monde qui a été là. Merci. On se revoit dans deux semaines pour le début de la saison. À la prochaine, tout le monde.